Bonne matinée à l'écoute de Skyrock. On est jeudi 9 juin aujourd'hui. Il y a Difool qui arrive dans quelques secondes avec Romano et toute l'équipe. Le morning pour vous accompagner 6h-9h, c'est comme chaque matin, juste après un point sur l'actu, le sport, et on commence par le temps, la météo, avec Rémi. Salut Rémi. Salut Mehdi, salut à tous. Bah, la météo, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Quelques averses ce matin en Alsace et des orages prévus cet après-midi, c'est vrai, sur la Corse et les Alpes du Sud, mais partout ailleurs, eh bien, rien à signaler. Le soleil va faire de très très belles apparitions. Les températures ce matin, on a 10 degrés à Beauvais, 11 à Lille, 12 à Orléans, 13 à Paris et à Nancy, 14 à Saint-Etienne, 15 à Lyon et à Strasbourg, 16 à Toulouse, 18 à Nice et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 17 à Cherbourg, 20 à Lille, 22 à Saint-Brieuc, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Paris et à Alençon, 26 à Marseille et à Lyon, 27 à Angoulême, 29 à Albi et 31 du côté de Nîmes. Et puis la pollution, bah c'est pas encore terrible aujourd'hui, hein. Les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Reims, Orléans, Bordeaux, Pau, Perpignan, Montpellier, Marseille, Lyon ou encore à Mulhouse. Et l'euro qui commence demain, les tensions sociales qui se poursuivent. Ce matin, c'est le marché international de Rungis qui est bloqué par des manifestants. Du côté des rails, 9e jour de grève à la SNCF, mouvement reconduit par les cheminots. 80% devraient circuler, 80% des TGV devraient circuler aujourd'hui, donc c'est quand même beaucoup mieux qu'hier. Le trafic à la gare de Lyon a été totalement interrompu hier soir par une poignée d'opposants à la loi travail. Vous devez savoir aussi que la menace de grève chez Air France ce week-end est toujours d'actualité. Les déchets qui débordent de plus en plus. Les éboueurs continuent de bloquer plusieurs centres de déchets en région parisienne, mais aussi en province. Les poubelles s'entassent dans un arrondissement sur deux à Paris, mais aussi à Marseille. La situation débloquée en revanche à Saint-Etienne. 10 heures de questions-réponses. Monseigneur Barbarin a été entendu toute la journée par la police de Lyon. Le cardinal est accusé de non-dénonciation d'actes pédophiles. Il était sous le régime de la simple audition et a pu sortir libre en début de soirée. Son avocat a simplement dit qu'il était fatigué. Favori, l'équipe se mouille ce matin à la veille du coup d'envoi de l'Euro. Les derniers pronostics donnent la France comme étant l'une des candidates à la victoire. On verra demain ce que ça donne contre la Roumanie. Match à suivre bien évidemment dans la radio libre dès 21h. Dimitri Payet d'ailleurs devrait bien être titulaire. Quoi qu'il en soit, la fête commence dans quelques heures. Les fan zones vont ouvrir un peu partout aujourd'hui. Un concert géant est prévu ce soir dans celle du Champ de Mars à Paris. Et puis il aurait fait ses adieux aux joueurs et surtout à sa direction. Unai Emery se rapproche encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Rien d'officiel encore, mais le technicien basque aurait reçu une offre de 3 ans à 5 millions d'euros par saison. On attend désormais l'annonce du PSG, peut-être dans quelques heures ou quelques jours. Donc Laurent Blanc, c'est fini. Et le gars de Séville, dont tu nous parlais hier, il arrive. Unai Emery, il arrive normalement. Ouais. Aïe, aïe, aïe, Emery. Très bien. Merci pour les infos, Rémi. On t'en trouve à 6h30 tout au long de la matinée. Bonjour tout le monde. Il est 6h du matin, on est jeudi. Bonjour. C'est le morning. Bonjour Romano. Et c'est parti en direct jusqu'à 9h. Allez, go. Aujourd'hui, c'est déjà jeudi. Et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Salut tout le monde. Eh bien, oui, avant dernier jour de la semaine, J-1 avant le week-end, J-1 avant l'euro. Et c'est normal qu'il fasse un froid de canard. Ah, et ici, c'est vrai, on est au pôle Nord. Tiens, mais hier, il faisait 40 degrés. Aujourd'hui, il en fait 10. Eh bien, bravo. Bravo la technique de Skyrock. Vous nous avez réglé la clim. Hier, on avait trop chaud. Eh bien, aujourd'hui, on a trop froid. Ah ouais, bah, t'en vas demain, chier, on a la bonne température. Ouais, on est prêt. Demain, là, franchement, t'es optimiste. On est prêt pour l'euro. C'est-à-dire que depuis septembre, on essaye de la régler. On est en juin. On y arrivera, t'inquiète. On va y arriver avant la fin de la saison, promis, on y arrive. Ah bah cool. Bon, ben bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que ça va bien chez vous, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Que vous réveillez avec nous, vous allez vous réveiller avec le meilleur son, puisqu'on a plein de trucs prévus pour vous ce matin. Avec le nouveau soprano tout à l'heure, avant 7h, nouveau soprano, une découverte Skyrock. Avec le nouveau maître Gims, avant 6h30, le nouveau maître Gims, une découverte Skyrock. Aussi. Et avec un petit Justin Timberlake. Une découverte Skyrock aussi. Et ouais, vous l'avez écouté la première fois dans le morning. Ouais. Et oui, première fois en Europe, c'était sur Skyrock, Justin Timberlake. Bonjour à vous, le réveil de Star arrive et le réveil de Cariole, c'était comment ce matin? Ça va, bonjour, ça va. Bonjour. Celui de Cédric, bien. Ouais, ça va, nickel. Bien, Karim, pareil. Ouais, au top, ça va. Bon, c'est parti pour une nouvelle matinée, réveil de stars dans un instant. Une star vient réveiller les Français. On va parler bouffe ce matin avec un spécialiste de la bouffe qui viendra réveiller les Français. Mais qui c'est donc? Ah, l'autre là, peut-être Philippe Etchebest. Ah, ça aurait pu, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Romano. Eh bien non, c'est pas lui, c'est l'autre. Laurent Mariotte? Non. Ah, Cyril Lignac. Ah, oui. Ah. Et oui, Cyril Lignac qui vient réveiller les Français dans un instant sur Skyrock. Cyril Lignac du meilleur pâtissier. Ouais, il va leur préparer peut-être un truc à manger. Ah oui, c'était hier soir le meilleur pâtissier. Gratin dauphinois. Bonjour, on va vous faire une belle tarte. C'est un gratin dauphinois. C'est l'émission où il y a la mamie, la Marcotte. Je n'ai jamais regardé, vous savez que les émissions de bouffe à la télé, moi ça donne envie de vomir. Ah, j'aime bien moi. Ah, moi je peux pas moi. Donc je regarde une émission de bouffe, après je bouffe plus de la journée. Mais tu devrais regarder, ils font des magnifiques cupcakes. Oui, je sais. Et puis, comment il s'appelle ? Cyril Lignac avec un gratin dauphinois. Non, mais dans le meilleur pâtissier, il en fait pas. Et si, il y avait un gratin dauphinois. Mais non, Cyril, c'est pas là qu'il faut le faire. Et j'ai mis du sucre dedans. Ça passe alors. Du sucre, de l'ail et tout ça. Magnifique. Surtout bien aillé. Tiens, dites-nous le truc que vous avez. Est-ce que vous avez déjà prévu ce que vous avez mangé à midi ? Parce qu'il y en a qui sont déjà tout. Ils sont déjà tout calés. Ils savent qu'ils vont aller, je sais pas moi, au McDo, qui vont se prendre un double fish, des chicken avec la sauce barbecue, un kebab au McDo. Ils le font pas encore, Karine. Oui, mais vous pouvez nous dire, vous avez envie de bouffer quoi à midi, ou alors vous savez que vous allez bouffer quoi, ou alors encore mieux, vous préparez quoi si c'est vous qui vous faites de la bouffe. Ah bah attends, Cariole, on mange quoi à midi? Deux œufs à la coque. Très bien, tu vas te faire deux œufs à la coque, Romano, t'es content? Il y a quand même autre chose avec. C'est solidarité Ramadan, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parce que là, deux œufs à la coque, mais je vais crever de faim, il faut que je bouffe les coquilles. Moi, je mange rien, regarde. Allez, bon petit déj. Un petit truc que vous avez envie de manger, vous laissez vos messages au 41-759 sur l'appli Skyrock et vous débarquez ici. Avec vos messages en direct. Il y en a qui savent déjà, par exemple, Nick Taz, il a préparé sa gamelle pour le boulot. Qu'est-ce qu'il bouffe, Nick Taz? Ce midi, c'est saucisse taboulée. Ouais, arrêtez de parler de bouffe, c'est le Ramadan. Ah oui, c'est vrai, Karim de Caen. Eh bien, écoutez, on pense à vous. Moi, j'en mangerai un petit bout pour toi aujourd'hui. Tiens, il y a Matt, lui aussi, pareil, il a préparé son casse-croûte pour ce midi, mais il nous dit pas ce qu'il y a dedans. Bastien, lui, il sait qu'il va manger un petit KFC du côté de midi, là. La cantine du taf, je sais que je vais manger de la merde. Je sais déjà ce que je vais manger. Mounette, qui nous laisse un message. 29 ans, Mounette, la cantine du taf. Côte de bœuf pour Cyril. Ouais, Cyril, un autre Cyril, tiens, qui lui va manger 5 fruits et légumes aujourd'hui. C'est bien. Parfait. Allez, il est 6h04. Sandwich poulet courri pour un sandwich poulet. Justin Timberlake pour démarrer le morning, là, c'est parti. Le morning de Difool en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Ah, can't stop the feeling et can't stop de gagner des places de foot aussi, hein, tout à l'heure. Vos places pour l'Euro avant 9h. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Just imagine. feeling. Can't Stop the Feeling, on écoutait Justin Timberlake et dans un instant il arrive, c'est Snoop Dogg, un grand classique de Snoop, je crois que c'est même un des titres qui nous a fait découvrir Snoop. What's my name? Moi c'est Difool. Difool, hein, yeah. Voilà, what's my name, parce qu'on est aux États-Unis et lui c'est Cyril Lignac. Cyril Lignac, le spécialiste de la bouffe sur M6, il passe encore à la télé. Je vous dis, moi je regarde pas les émissions de bouffe, ça me donne envie de... ça me met pas en appétit leur truc en fait. Bah des fois ça donne grave envie, mais bon quand tu t'en tapes pendant 3 heures... C'est comme une indigestion. Ouais, c'est ça, ouais. Overdose. Overdose. Il y en a qui font des fois des trucs, c'est ignoble. Mais alors, qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai mangé une cliente, moi. Dis donc, Rafou. Bah, tu salues ta cliente, Rafou. Salut à toi. Il y en a qui savent déjà ce qu'ils vont bouffer aujourd'hui. C'est marrant. Un gros McDo pour Kiki. Salut à toi, Kiki. Aurel, lui, il veut se faire un petit kebab. Une grillade pour lui à midi. C'est Matmat. Black Star, lui, c'est poulet pâte à midi. Ouais, moi, c'est Ramadan à midi. Et une petite soupe ce soir, peut-être. Alors, pour le f'tour. Benz Buena qui nous laisse un message. Moi, je me suis réveillé. Je me suis pas réveillé pour manger cette nuit. J'ai oublié. Et j'entends parler bouffe. Hashtag Ramadan. Salut à toi, Yass la menace. Yass la menace. Bon, poêlée de légumes, salade pour Zilda. Toi, je te sens au régime, Zilda. Je sens que tu prépares l'été, que tu prépares les petits maillots de bain sur la plage. Ah ouais. Ouais, salade, poêlée de légumes. Ouais, c'est pas mauvais, hein. Oh, c'est même bon d'ailleurs. Haricots verts, poulet. Toi aussi, t'es au régime, je suis sûr. Sahel, 29 ans, qui nous envoie un message. La cantine de l'homme, c'est dégueulasse. C'est là-bas où je vais manger aujourd'hui, c'est Fred. Nicolas, lui, c'est le cul de sa femme. Chacun son truc. Ta chérie. Chacun son régime. Ah bah vraiment, elle va être gâtée, quoi. Oui. C'est un peu mousse au chocolat, quoi. Une mousse au chocolat. Putain, je mangerais bien une mousse au chocolat. Tu m'as donné envie, Romain. Ah bah oui, mais ah bah tu vois. Ah bah là, on est dans la merde, parce qu'il n'y en a pas. Hein. C'est le réveil de Star, c'est parti. Le réveil de Star. Une star, un appel. On écoute. Et on va quand même dire bonjour à Cyril. C'est bonjour, Cyril Lignac. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je trouve ça vraiment bien. Vraiment bien. C'est le réveil de Star. On va faire le réveil de Star, Cyril. Tu veux un thé? Non, j'ai un café, mais c'est gentil en tout cas. C'est très gentil. Il est venu avec Mercotte là? Non, je crois qu'il est tout seul ce matin. Tout seul. Bah, comme il veut pas rester tout seul longtemps, on va le mettre en contact avec des familles. On va passer un petit coup de fil. On a passé un petit coup de fil à une famille qui va se réveiller avec Cyril Lignac. Alors on y va. C'est parti. Allez, vas-y, Cyril, fais-nous à manger. Chez qui va aller Cyril Lignac ce matin? Ah bah chez une famille. Eh oui, mais laquelle? Ah bah celle de Lionel, je sais. Lionel, tout. Ah bah voilà. Eh oui, la famille de Lionel. Cyril Lignac réveille Lionel. Bon appétit, bien sûr. C'est le réveil de Star. J'espère qu'il va être bien accueilli, Cyril. Eh, enfin, j'ai un gratte au finois. Ah, cool. Je regardais pas souvent, mais chaque fois que je regardais, le mec faisait un gratte. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? En effet, on n'est pas copains, ça c'est sûr. Non mais vous êtes vraiment dérangé, hein. Sur le papier, la mariée elle est toujours belle. Mais après, attention. Et pourquoi vous m'appelez? Alors, je vais vous demander de revisiter le célèbre gratin dauphinois. Gâteau au chocolat. Un gâteau au chocolat. Ah. Non mais ça va vraiment pas là. J'ai l'impression que je deviens fou, moi. Je vais mourir de rire. Non mais attendez, je crois que vous êtes à jeun là. Pour l'instant, ça va bien. Oui, vous m'appelez pour me dire des conneries pareilles. Concrètement, mon projet aujourd'hui, c'est de mettre toute une ville à la cuisine. Ah bon? On va apprendre à cuisiner des légumes. On va faire ça à moins d'une heure. Ça vous plaît? Non, pas du tout. Ah, j'ai pas entendu. Ça vous plaît? Et vous permettez... d'abord, on n'a pas gardé les cochons ensemble, d'abord, premièrement. La question ne se pose pas comment tu le prends ou comment tu le prends pas. La question se pose que je dis tu viens, point, c'est tout. Non, d'abord, premièrement, tu te vois pas, premièrement. D'accord? Non. Hein? Et deuxièmement, non. Ça veut dire en fait qu'on va pas y arriver. Ça veut dire qu'on va pas le faire. Ça veut dire que je peux pas compter sur toi. Non, pas du tout. On est bien d'accord, non mais parce qu'au bout d'un moment aussi, moi je pète les plombs. Moi aussi je fais péter les plombs, d'accord? Voilà. Parce que moi je me mets un plein cul pour vous. Mais, cher monsieur, j'ai d'autres choses à faire, c'est tout. La seule chose que je veux. C'est du chocolat à l'intérieur. Non mais ça, bon écoutez, hein. D'accord. T'as beurré le moule là? Ouais, ben vous savez où pouvez-vous foutre le beurre? Non. Ouais, ben ça, je crois que ça aiderait à rentrer, hein. J'ai une petite idée. Ah, ça pue, ça. Et je trouve que c'est vachement bien d'appeler avec un numéro masqué. Tu m'excites, toi, en fait. Oui, vous verrez ce qui vous arrivera. Allez, salut. Je vais mourir de rire. Merci, Cyril. Nous aussi. Un petit gâteau au chocolat. Vous voyez qu'il évolue, Cyril Lignac. Il ne fait pas gagner, il ne fait pas à manger que des gratins dauphinois. Ah, ben, dans le meilleur pâtissier, il aurait l'air d'un con avec son gratin aussi. C'est vrai, ben, je trouve qu'il a évolué, vous voyez. C'est bien, Cyril. Je ne regarde plus les émissions de bouffe à la télé, mais là, ça m'a redonné envie. J'ai un gratin dauphinois. Ah, ben, il va en faire un jour ou l'autre. Et un petit gâteau au chocolat. avec du chocolat dedans. Moi, ce que j'aimais bien, c'est quand il faisait l'émission avec les gosses. Tu sais qu'il allait aller dans une école et qu'il remplaçait une cuisine de la cantine, leur faisait des légumes. Et qu'ils aimaient pas les gosses. Ils disaient, ouais, c'est dégueulasse. Oui, c'est ça. Tu aimais pas le concombre. Non, c'est dégueulasse. Je vais te faire un gratin dauphinois. Je vais te mettre un coup de poil dans la gueule. Un gratin dauphinois au chocolat. Oui, mais c'est bien bon. Ah, ça, c'est bon. Bon, Cyril Lignac a appris qu'il allait se faire beurrer le cul par Lionel. C'est bien. Ah, bah, nickel. C'était notre réveil de star de ce matin qui nous a mis en appétit à 6h13. Bon réveil, bonne journée et bonne chance pour l'Euro 2016. Des places avec le Crédit Agricole à gagner à n'importe quel moment du morning. Et dans un instant, de l'argent à gagner aussi. On va jouer après Snoop Dogg au grand jeu de Cédric. Oui. Of the sea, back to the block. Snoop Doggy Dogg, Funky is the doc. Went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve my cane. Follow me, but you bet not slip, cause 9 Trizzies the year's there for me to quiz out my grip. So I ain't holding nothing back, and once again I got 5 on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a food on his back. Yeah, so keep out the manuscript. You see that it's a must, we drop gangsta. Hold up, what's my name? It's the bound to the wild, creeping and crawling, Iggy, yes, yowling, Snoop Doggy Dogg in the house with the pound like every day, and I'm right back up in you with Dr. Dre, and like I said, none of y'all can get with this. And none of y'all can dip with that head I just dropped, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the undercover cop. Tick tock, now by the clock, just some nuts and a cop. Rob you for your ears, then I kill you blood clocks. And I step through the fog and I creep through the smog, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy. Hands way up in the air and wave them all around like you just don't care. Yeah, roll up the dank and pour the drink and watch your step. Why? Cause doggy's on the gang. My bank goes on swole. I'm still on hit legit, now I'm on parole. Stroke with the dog pound right behind me and rolling with my. That's where you might find me. Flinging that G thing. She wants the G with the biggest sack. And who's that? He is I and I am him. Slim with the tilted brim. What's your name, fool? Sur Skyrock, à l'époque, il s'appelait encore Snoop Doggy Dogg. Parce que lui, il a eu plein de noms. Hein. Après, il s'est appelé Snoop Lion parce qu'il aimait bien les lions. Ah, ça, c'est son dernier nom en stock, oui, là. Ouais, ouais. Snoop Lion. Bon, là, non, parce qu'il était en mode Rastafari. Ouais, bon, là, c'est encore un chien à l'époque. Snoop Doggy Dogg. T'aimes bien ça, hein. What's My Name pour se réveiller dans le morning sur Skyrock à 6h18. On vous souhaite une bonne journée. On va écouter Mike Posner. On va écouter le nouveau maître Gims aussi avant 6h30. Et ma beauté. Là, on va jouer. Oui, c'est ma beauté. La VO de camping. Non, c'est un titre qu'il a écrit en sortant des studios de Skyrock. qu'il était dans la radio libre. Gims m'a vu derrière ses lunettes de soleil et après il a écrit ma beauté. Ouais, comme ça. Ouais. Ça ne m'étonne pas d'ailleurs. Non, moi non plus. Maître Gims, un titre que vous avez découvert d'ailleurs sur Skyrock dans le morning de vendredi dernier, je crois. Il m'avait filé en exclu. Merci Gims. C'est la BO de Camping, Camping 3 qui arrive bientôt avec peut-être une nouvelle marche des tongs. Alors, on n'attend pas Patrick. Bon, allez, n'attendez pas pour nous envoyer vos messages dès que vous avez la réponse à la question que je vais vous poser d'ici quelques secondes. Vous nous l'envoyez, la réponse au 41 759 ou sur l'appli Skyrock et vous gagnez 50 euros déjà. Et après, vous pouvez multiplier ces 50 euros si vous êtes bon et que vous battez Cédric. C'est l'heure du jeu de Cédric. C'est à toi, Cédric, de montrer un petit peu de quoi tu es capable ce matin. Ouais. Donc, jeu d'intelligence avec plein de questions pour vous. Et la première question. C'est pour ça qu'on a choisi Cédric. Évidemment. Première question de sélection. Tiens, pour ceux qui étaient là hier soir, ça va être facile. On en a parlé hier soir dans notre grand journal de l'Euro, le journal des Bleus. Ouais. Le journal des Bleus. C'est tous les soirs, entre 21h et minuit. Et on vous donnait le classement des pays qui coûte le plus cher. Alors en gros, pour l'Euro 2016 qui démarre demain, J-1, il y a des joueurs sur le terrain et on a fait le prix de chaque sélection. Le prix des joueurs, on l'a fait pour chaque sélection. La sélection française et puis toutes les équipes de l'Euro. Voilà. Quelle est l'équipe d'Europe qui coûte le plus cher? C'est pas la France, nous la France on est deuxième. Bon, c'est déjà bien. Oui, ce n'est pas l'Espagne, ils sont troisième. Mais qui est l'équipe qui coûte la plus chère en Europe? Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez vite. Comme ça, you send a message, excusez-moi parce que je reviens des États-Unis cette nuit. Oh yeah. Il y a encore le décalage horaire linguistique dans la tête. Donc vous nous donnez le nom de l'équipe au 41-759 ou sur l'appli Skyrock, vous laissez bien votre numéro de téléphone. L'équipe la plus chère de l'Euro. Oui, ça te plaît. Hein. Ah oui. Et si vous êtes le premier ou la première, vous jouez avec nous et vous jouez contre Cédric dans un instant en attendant vos places pour l'Euro avant 9h à n'importe quel moment du morning. Eh oui, parce qu'on en a encore. Ouais, encore un gros match à gagner. Allez, je vois les messages qui défilent. Mimi nous dit le Portugal. Ah, vive le Portugal. Il y a Big D Fool qui nous dit l'Allemagne. Non, ce n'est pas l'Allemagne. L'Italie non plus, ce n'est pas l'Italia. Désolé. Eh bien, la bonne réponse arrive. Elle est dans un instant sur Skyrock. Et Nabil, t'es bien réveillé. Tu nous as envoyé ton prénom, mais t'as oublié la réponse. Ah, bah oui, c'est dommage. Donc, Nabil de Nîmes renvoie vite un message. Vite, 41-759 ou sur l'appli. Bonne chance à toi. Il est 6h20 sur Skyrock. On vous souhaite une bonne journée. J-1 pour l'Euro. Crédit Agricole, partenaire national de l'UEFA Euro 2016, t'offre 200 places pour l'Euro 2016. Skyrock! L'Euro 2016! Ah oui, allez les bleus! Écoute Skyrock à tout moment et gagne tes places pour les matchs de l'Euro 2016. Merci. Lille et Lens, Saint-Etienne et Lyon, Nice et Marseille, bien joué. Marseille, c'est bon, ça. Bordeaux et Toulouse, et au Parc des Princes et au Stade de France. Crédit Agricole, partenaire national de l'Euro 2016. Ouais, vous êtes les meilleurs! Dans la campagne picarde des années 70, un médecin congolais s'installe avec sa famille. Face aux préjugés, ils vont tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois. Bienvenue à Marly-Gaumont. Une comédie tendre, décapante et irrésistible d'après Le Parisien. Bienvenue à Marly-Gaumont, un film de Julien Robaldi avec Marc Zinga et Aïssa Maïga d'après l'histoire vraie de Camini. Actuellement au cinéma avec Skyrock. Ce temps chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Clio en tête des classements avec son design. Mais son truc à elle, c'est la techno, son système multimédia AirLink avec écran tactile et sa caméra de recul. En juin, la série limitée Renault Clio Trend est à partir de 10 990 euros sous condition de reprise. Portes ouvertes ce week-end. French Touch, touche française. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d'une série limitée Clio Trend 9 jusqu'au 30 juin dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant. Ouverture selon autorisation. Voir Renault.fr. Dirty Papy, Jason et son grand-père n'ont rien en commun. L'un est un peu coincé. Chaque jour, ma carrière est en jeu. L'autre est de nouveau célibataire. Je veux pisser. Mais quand la ville est réunie, t'as déjà fait un spring break ? Ils vont apprendre à mieux se connaître. T'es à point ? Ce soir, on va pécho ! Zac Efron, Robert De Niro, dans Dirty Papy, en Blu-ray DVD VOD, avec Skyrock. Le Morning de Difool. Le Morning Show. 6h-9h sur Skyrock. Bonne journée avec Sky et avec le nouveau maître Gims, ma beauté, à 6h22 et dans un instant le jeu de Cédric. Je ne t'ai pas donné tout mon amour, je ne t'ai pas fait mon plus beau discours, j'ai encore envie de te faire la cour, tu me verras sous un autre jour, je suis devenu mon propre fantôme, face à moi-même je pleure comme un mort, je me sens délaissé, ouais. Je l'ai bien mérité. Ma beauté ne t'en va pas, beauté ne t'en va pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ma beauté ne me laisse pas. Ma beauté ne me laisse pas. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues. je vagabonde, j'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Oui, ton retour est une délivrance. Oui, toi et moi, c'est une évidence. Je sais, ce n'est pas gagné d'avance, mais rien ne m'effraie plus que ton absence. À présent, tu peux compter sur moi. Tu ne m'en voudras pas une seconde fois. Je t'offrirai la lune à l'ombre de ma plume. Ma beauté, repose-toi, ma beauté, repose-toi. J'ai les épaules pour ça, j'ai les épaules pour ça. Ma beauté, repose-toi, j'ai les épaules pour ça. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne, fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché, dans les rues elle t'abandonne. Et dans la rue elle t'abandonne. Le morning de Morning de Difool, en direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Bon réveil avec Skyrock, bon réveil, bon petit déj, vous aussi. Si vous prenez un petit café ce matin, on vous salue. Et on va vous souhaiter bonne chance, enfin souhaiter bonne chance à celui ou celle qui a été sélectionné ce matin. Et qui va affronter la bête. Bah la sélection elle est facile, c'est le plus rapide qui nous a envoyé la bonne réponse, qui va affronter Cédric ce matin. C'est la bête. C'est l'heure du jeu de Cédric. Cédric, ouais. Attention, attention. Hein. Bah je suis prêt. Oui, Quentin. Ce matin, mode machine hein, Cédric. Ouais. T'inquiète pas mec. Bon Quentin, c'est toi qui es avec nous en direct de Nantes. Bonjour Quentin. Salut l'équipe, salut Difool, ça va? Ça va bien, salut, toi. Salut Quentin. 21 ans, Nantais, tu fais quoi dans la vie, Quentin? Dis-nous. Je suis facteur. Facteur, ah, salut tous les facteurs qui nous écoutent. Vous êtes plein à nous écouter le matin, nous envoyer des messages de votre petite tournée du matin. Alors, toi, t'es à vélo ou en camionnette? En voiture. En voiture, ah, toi, c'est le luxe, toi. Pas de chance, Rano. Ouais. Alors, une petite question, foot. Et oui, demain, c'est l'Euro J-1. Avec le match à suivre entre 21h et minuit et plein de places à gagner toute la journée pour l'Euro. De l'argent pour toi, 50 euros pour la question qu'on a posée. T'as déjà 50 euros puisque tu nous as dit le nom, tu nous as donné le nom du pays avec l'équipe qui coûte la plus chère. Ouais. Ouais. Alors, c'est quel pays? C'est pas la France, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne. Non, c'est l'Angleterre. Et oui, c'est les Anglais qui ont l'équipe la plus chère. Alors, les joueurs sur le terrain coûtent 751 millions d'euros. Oui, quand on ajoute le prix de chaque joueur. Ouais, et Romano qui va se pointer, il va se faire passer pour le chauffeur du bus, il va les enlever. Ouais, c'est clair. Deuxième, la France. On a la deuxième équipe la plus chère de l'Euro. Les troisièmes, c'est les Espagnols. Les quatrièmes, les Allemands. Et les Belges, on a cinquième équipe. Et, ouais. Et pour tous nos amis portugais qui nous laissaient des messages, vous avez l'équipe numéro 6. Viva Portugal. Et les Italiens sont septièmes. Ce qui est, je pensais qu'ils étaient encore plus loin, les Italiens. Et les Français, nous, l'équipe, elle vaut combien? 696. 696 millions. Je te rappelle presque. Bah ouais, quand même. Bon, une bonne réponse. Donc, les Anglais. 50 euros pour l'équipe toi. La plus chère. Ah, et nous, cool. On te met 50 euros. Quoi qu'il arrive, tu les gagnes. De côté, okay. Ils sont pour toi. Et là, on va jouer en 30 secondes contre Cédric. 30 secondes pour toi. 30 secondes pour Cédric. Que le meilleur gagne. Que celui qui marque le plus de points reparte avec plein d'argent. Oui. Allez. Cédric. Okay. Ni homme, ni bête. Source de cauchemars et aberration de la nature. Le morning de Difool sur Skyrock. Je sais pas qui fait ces super jingles, mais ils sont géniaux. Hein. Ah, mais je crois qu'il me kiffe. Il y a de l'inspiration. Ouais, ouais. Il y en a que pour toi, Cédric. Bah, alors, j'entends, 30 j'entends. Secondes. Oui, avec une question foot pour démarrer, des questions sur dans tous les domaines juste après. Question foot tout de suite. Vous êtes prêt? T'es prêt, Cédric? Allez, vas-y. Are you ready? Yeah. C'est Cédric qui commence, Quentin. Attention. Hein. Ouais. Écoute d'accord. Le désastre. Go. 3, 2, 1, top question. Football, comment s'appelle la marque de vêtements lancée par Zlatan cette semaine? AZ. Bonne réponse. Un point. Chicken, combien un coq peut-il pondre deux par jour? 4. 4 œufs par jour, non, c'est la poule qui pond. Superstition, quel aliment faut-il jeter par-dessus son épaule pour lutter contre le mauvais sort? Non, du sel. Voilà, ah ouais, jette-toi du sucre, couillon. Oui. Orthographe, combien y a-t-il de T dans le mot trottinette? 3. Non, bah non. Trop de T pour le T, net de T, 5. 5 T dans le mot trottinette, Cédric. Eh ouais. Et malheureusement, tu marques qu'un misérable point. Oui, grâce à ça. Faut pas jeter du sucre sur l'épaule, au-dessus de l'épaule gauche, c'est du sel. Ah ouais, d'accord. Eh oui, pas de chance. Et un coq ne pond pas deux. Non, non, jamais. C'est comme si je t'avais demandé combien un homme aura-t-il de grossesse pendant sa vie. Ça marche pas. T'es content, Quentin? Il a marqué qu'un point. Ouais, ouais, j'ai entendu ça, ouais. Si vous avez parlé de coq, il y a le mien qui s'est énervé dehors. Bonjour, le coq. Il y a un coq devant chez toi. Attention, Quentin, 30 secondes maintenant, t'es bien concentré? Ouais. Question foot pour démarrer, allez. Alors attention, Quentin, 3, 2, 1, top question. Jusqu'à quand Antoine Griezmann a-t-il prolongé son contrat avec l'Atlético Madrid? Quelle année? 2018. Non, 2021. Superstition, quelle est la partie du corps qu'il faut croiser pour porter chance? Les doigts. Oui. Un point. Combien y a-t-il de G dans le mot jogging? 3. Oui. 2 points. Géographie. Sur quel continent se situe la principauté d'Andorre? Espagne. Non, l'Europe. Expression. L'Europe. Quand on s'entraîne, on dit qu'on se serre les... Les coudes. Écoute. Oui, non mais là c'est trop tard. Trop tard, Quentin. J'ai compris quand même. On s'entraîne. Quand on s'entraîne deux. Ouais, quand on s'entraîne. Et oui, on se serre les coudes deux. Eh ben, c'est pas mal. Eh bien, combien de bonnes réponses? Eh bien, ça fait deux bonnes réponses. Oui. Donc tu bats Cédric quoi qu'il arrive. Donc ça fait 100 € plus la question de sélection, 150 €. Bravo. Eh ben voilà, 150 € pour toi ce matin. Bien joué, Quentin. Félicitations. J'ai gagné ma journée. Bah c'est déjà pas mal. C'est bien. Bah ouais, un chèque de 150 € qu'on va t'envoyer à Nantes. Bravo, bien joué Quentin. Un chèque, le premier de la matinée, il est pour toi. Des bisous aussi Quentin, passe une bonne journée. Hein. Ouais, bisous à vous et Kim, vous écoutez depuis longtemps. Eh ben tu mérites d'être récompensé Quentin avec tes 150 €. Ouais. Et allez les bleus. Et allez les bleus bien sûr, ouais. Salut Quentin. Ciao Quentin. Salut. Et à 7h20 tout à l'heure, dans moins d'une heure, on vous offre vos écrans. Et oui, on n'a pas oublié vos écrans. Tous les matins, on vous file vos écrans et Samsung. En fait, c'est votre nouvelle télé Samsung qu'on va vous offrir. Ouais. Un écran 4K, Smart TV Ultra HD, 101 cm de bonheur. Comme elle est belle la télé. Ah, elle est belle, ouais. 7h20 tout à l'heure, on jouera à Info Mytho. Là, il est pile 6h30, on vous souhaite une belle journée. Bon réveil à vous. Et dans un instant, Mike Posner arrive avec I Took a Pill in Ibiza. On se prépare pour Mike Posner. Et là, on est prêt pour les infos. Il est 6h31. La météo, écoutez, ça va mieux aujourd'hui. Ah ouais, carrément. Ouais, ça va beaucoup mieux côté ciel. On a quelques averses ce matin en Alsace et des orages prévus cet après-midi sur la Corse et les Alpes du Sud. Mais partout ailleurs, eh bien, rien à signaler. Voilà, le soleil va faire de très belles apparitions toute la journée. Les températures ce matin dans le nord comprises entre 10 et 14 degrés. 11 à Lille, 13 à Paris, de 14 à 21 dans le sud, 15 à Lyon et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera 19 au Havre, 22 à Beauvais, 23 à Saint-Etienne, 24 à Paris, 26 à Marseille et à Lyon, 27 à Angoulême et 31 du côté de Nîmes. Et puis la pollution, eh bien, c'est pas encore terrible aujourd'hui. Hein. Les indices compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Reims, Orléans, Bordeaux, Pau, Perpignan, Montpellier, Marseille, Lyon ou encore à Mulhouse. Et le point sur l'actu maintenant, l'actu et le sport évidemment. Et on revient aussi à l'Euro d'ici la fin du flash. Et la CGT qui continue de taper du poing sur la table à la veille de l'Euro. Et malgré le fait que la France sera dans quelques heures au centre des regards du monde, appelle à bloquer le marché international de Rungis ce matin. En région parisienne, près de 300 manifestants sont rassemblés aux abords du Mine et bloquent un des quatre accès. La circulation est légèrement perturbée. C'est toujours la loi travail qui est au cœur des protestations. Autre problème, les centres de déchets. Cela fait plusieurs jours que les éboueurs sont en grève. La CGT appelle au blocage des trois sites parisiens et de celui de Fos-sur-Mer qui traite les ordures de Marseille. Ça commence sérieusement à se voir dans la cité phocéenne. Et dans un arrondissement parisien sur deux, les riverains craignent désormais que les odeurs deviennent pestilentielles à cause de la chaleur. La situation a en revanche été débloquée à Saint-Etienne. 9e jour de grève à la SNCF, toujours pas d'avancée concernant le temps de travail des cheminots. Le mouvement continue donc aujourd'hui. 80% des TGV vont circuler. Prévoyez également un Transilien et un Intercité sur 2 et 6 TER sur 10. Le trafic à la gare de Lyon a été totalement interrompu hier soir par une poignée d'opposants à la loi travail. Enfin, vous devez savoir que la grève se profile à Air France. Les discussions avancent entre la direction et les syndicats de pilotes. Certaines revendications ont été entendues, mais d'autres points restent flous. Du coup, les syndicats estiment qu'à l'heure où l'on parle, eh bien, le mouvement prévu dès samedi reste d'actualité. Les négociations vont se poursuivre. Nicolas Sarkozy qui reprend son thème favori, à savoir l'identité nationale. Le président des Républicains s'est rendu dans le Nord hier soir. Il a martelé que la France a des racines chrétiennes et qu'elles doivent être respectées. Des meetings qui s'enchaînent alors que l'ex-président ne s'est pas encore déclaré candidat aux primaires. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer le coût de l'organisation payé par le parti. Une enquête a été ouverte par la haute autorité de la primaire. Et on parle euro maintenant. J-1, l'équipe de France peut-elle gagner l'euro ? Eh ben en tout cas, l'équipe ce matin pense que la France est favorite. C'est d'ailleurs le titre du quotidien sportif. Les derniers pronostics donnent la France comme étant l'une des candidates à la victoire. Et puis l'histoire nous a prouvé que quand on débutait bien l'euro, en tout cas une compétition, eh bien souvent ça allait jusqu'au bout. Eh bien on verra ce que ça donne demain contre la Roumanie. Le match est bien sûr à suivre dans la radio libre dès 21h. C'est ça qui va peut-être donner confiance aux Bleus. On a besoin d'une victoire. Dimitri Payet devrait être titulaire. Quoi qu'il en soit, la fête commence dans quelques heures avec ou sans les Bleus. Les fan zones vont ouvrir un peu partout dès aujourd'hui. Un concert géant est prévu ce soir dans celle du Champ de Mars à Paris. Et puis, on va se poser une question, allez, pendant la prochaine demi-heure. Quel est le sportif le mieux payé de la planète ? Petit indice, eh bien, on le verra en France pour l'euro et on vous dit tout à 7h. Ah, c'est un footballeur ? Eh oui. Le mieux payé de la planète ? Eh ben oui, ça vient de tomber. Ah, je crois que c'était des golfeurs, c'est des trucs tout chelous. Genre des Tiger mecs... Woods, tout oui, ça. Oui, ou non. Alors des golfeurs que tu connais plus depuis que t'as eu des parties. Ouais, ouais, non. Bon, non. Bah, on saura à 7h du matin. Encore un sujet argent qui devrait exciter certains membres de l'équipe chauve. Ah, mais j'en suis tout foufou. Ça ne m'étonne pas, Romano. Non, mais Tiger Woods, ouais, maintenant c'est une burne. Il n'arrive plus à mettre une balle dans un trou. Lui. Mais pendant longtemps, il a été le plus riche. Ouais, c'est vrai qu'il a ramassé, ouais. Et pendant longtemps, il ne mettait pas que des balles dans des trous, d'ailleurs. Non, à chaque tournoi, il avait une femme différente. Il lui avait posé quelques problèmes avec sa femme officielle. Ça arrive. Je crois qu'il lui avait mis un coup de club de golf, d'ailleurs. C'est possible, c'est vrai. C'est vrai. Allez, 6h35. Et avant de reconnaître tout à l'heure à 7h le joueur le plus payé du monde, eh bien, on a plein de choses à faire ce matin. Et on va parler grève. Bah ouais, on va voir si vous êtes touché par les grèves ce matin. 6h09. Parti pour le morning d'Adi Fool. The morning show. Le morning d'Adi Fool. C'est tout de suite sur Skyrock. Et oui, c'est reparti pour le morning. Et avec des places de foot à gagner, je vous donnerai le nom du match qu'on va vous offrir aujourd'hui. L'affiche du match qu'on va vous offrir. Place pour l'euro. Il y en a 200 à gagner sur Skyrock. La radio qui vous offre le plus de places de l'euro. Bah, c'est du coup, Skyrock. Là... Merci le Crédit Agricole d'ailleurs. Bah, du coup, il y en a un peu moins de 200 maintenant. Ah, bah oui, petit à petit, ça part. Hein. Dépêchez-vous, hein. 200 places pour vous et peut-être deux ce matin avant 9h. Bon, on va parler grève parce que bon, c'est à la une. On est quand même le seul pays qui avait, lors d'une fête géniale, est bloqué. Il y a des poubelles dans certaines villes de partout. Il n'y a plus d'avions dès demain, après-demain. Les trains, c'est la merde. Alors, on voulait vous demander si vous êtes touché par la grève. Parce que c'est vrai, il y en a qui, par exemple, ceux qui sont en voiture, sont pas forcément touchés par la grève. Il y a pas beaucoup de grévistes, hein, mais ça suffit à foutre un bordel pas possible. Hein. Ah bah oui. Alors est-ce que vous êtes touché par la grève ? Dites-nous. Je sais pas si vous prenez des trains, si vous vivez en dessous d'une, juste au-dessus d'un amas de détritus qui n'est plus ramassé par nos amis éboueurs. Ah bah dans certains coins là, il commence à avoir des montagnes de poubelles. Hein. Bah, oui, hier matin, on était bloqué avec Romano justement. Par des poubelles. Ouais, dans Paris, ils ont fait des barrages. Avec des poubelles. Des barrages de poubelles. Ouais. C'était rue de Vaugirard là, dans le 15e arrondissement. C'est une grande avenue. Et en fait, barrage de poubelles. Ah mais ouais, en fait on avance, je fais putain mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y avait un camion en travers et en fait il y avait des poubelles alignées, ça bloquait complètement l'avenue et les gens pouvaient plus passer. T'aurais dû fouiller dedans, peut-être qu'il y avait des trucs à récupérer, Romano. Ouais c'est ça, et puis je me prenais un coup de pelle par un éboueur manifestant. Peut-être. Le mec qui disait ouais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas mes poubelles. Alors ça dépend dans certains endroits de France, notamment dans certains arrondissements de Paris, pas tous. En Île-de-France, il y a certaines villes qui sont touchées. Il y a Saint-Étienne. Saint-Étienne, ça y est, ça s'est débloqué, Rémi nous l'a dit dans les infos. Ouais. Mais enfin, il y a encore des détritus à nettoyer. Du côté de Nantes, de Martigues, de Istres. À Toulouse, c'est les usines d'incinération. L'usine d'incinération qui est bloquée dans l'Ariège aussi. Du côté de Saint-Ouen, ici Limoulinos, même chose. Dites-nous donc si vous êtes touché ou par la grève des éboueurs, ou par la grève des trains, ou par les grèves en général, ou alors si vous êtes ce matin à Rungis et que vous êtes bloqué par des feux, des feux de joie. Mais hier là j'ai ce matin c'est bloqué. J'ai entendu vite fait là, il y a le ministre des sports là. Oui. Parce qu'ils veulent pas aussi bloquer la fan zone ou je sais pas quoi. Patrick Kamer, c'est ça ? Ah oui. J'en sais rien. Non, Braillard. Il y a un mec qui s'appelle Braillard. Je vais faire un détail alors. Et le mec, je sais pas, a priori, il y a une histoire, il y a des mecs qui veulent bloquer la fan zone pour l'euro, la fan zone de Paris. Ouais, gâchez pas la fête les mecs. Ah, ils veulent aussi interdire au bistrot de retranscrire de retransmettre les matchs. Bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça promet cet euro, tiens. Oui. Ouais, c'est clair. Bienvenue en France. En tout cas, ceux qui vont venir, les touristes, vont pas s'emmerder. Ah, vous êtes déçus. Ah, ouais. Ah, ouais. Vous êtes déçus du voyage. Bon, allez, on fait un petit point sur les grèves. Dites-nous, la galère tous les matins pour prendre le train pour Soussou. Ah, ouais, ça, c'est la grève de ceux qui prennent le train. Tiens, il y a un feu de pneus à Reims devant la déchetterie, nous dit Kevin de Reims. Ah, merci pour les infos en live. Vous pouvez envoyer vos messages. Ouais, elle est pourrie, cette grève, parce qu'il n'y a même pas de grève des profs, nous dit Thomas. Et il y a Speedy qui dit la même chose. On peut pas avoir une grève des profs non plus. C'est vrai, c'est une petite grève, mais qui fout bien le bordel. Et à Limoges, on a du fumier, pas de train, ça fait chier. Ah, il y en a qui ont déversé du fumier quelque part. Ah bah c'est bien, ça sent le caca. C'est pas mal. Bon allez, on s'occupe de ça. On parle donc des conséquences de la grève sur votre vie de tous les jours. Et dans un instant, on va essayer de résoudre quelques petits problèmes de grève parce qu'on est comme ça sur Skyrock. Vous le savez, sur Skyrock, il y a pas de problème, il y a que des solutions. On va passer à l'action là. Ouais, Action Man. Après Mike Posner sur Skyrock et I Took a Pill in Ibiza 6h38. C'est le morning de Difool. Come on in, come on show, en direct show. Jusqu'à 9h sur Skyrock. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, all I know are sad songs, sad songs. Name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. I took a pill in Ibiza sur Skyrock. On écoutait le son de Mike Posner. Belle journée à vous, avec peut-être des places dans... Allez, bah, de toute façon, dans moins de 2h40, ça sera tombé. Ça peut arriver à n'importe quel moment du morning. Restez bien là. Et un gros match à gagner aujourd'hui. J'ai vu le match qu'on allait vous offrir, je vous en parlerai tout à l'heure. Beau match. Oui, gros match à gagner aujourd'hui. De toute façon, il y a que des beaux matchs. Hein. C'est vrai, en fait. C'est l'Euro. Avec une des équipes favorites de l'Euro à gagner ce matin. Restez bien là. Place pour l'Euro à choper avec le Crédit Agricole et avec Skyrock tout au long de la journée. Et dès le morning, on parle des grèves ce matin. Est-ce que vous êtes touché par les grèves? Vous nous avez laissé plein de messages depuis tout à l'heure. La grève, moi, je regarde de loin. Ouais, y en a qui sont pas touchés par les grèves, heureusement. Mais il y en a, par contre, que ça emmerde. Mais grave, grave, grave. Regardez. Tâche Fin qui vient de nous envoyer un message. Même chose pour Sam du Val d'Oise. Moi, je suis en stage, je suis obligé de me lever à 4h du matin car je prends le RER A et il y a des grèves sur le RER A. Si, il y a Nanou le Marseillais, lui, il est content, c'est le seul est content. Ah, on a trouvé un. Prenez les taxis, on n'est pas en grève, nous. Ah, pour une fois. Ouais, non, mais c'est vrai, ouais. Mais bon, il faut avoir les moyens, quoi. Vous l'avez fait avant la grève des taxis, là. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, la grève, moi, ça me casse les couilles parce que c'est mon bus qui est en grève et pas mes profs. Eh oui, encore une grève des profs qui est demandée. Si vous êtes prof, mettez-vous en grève, ça fera plaisir aux élèves qui vont encore en cours là. Non, en plus c'est bien, c'est la fin de l'année et tout. Prenez des vacances plus tôt les profs. Zilda qui est du côté de Lyon, puisque les TCL c'est à Lyon, en grève après 22h, les métros ils marchent plus. Ah, grève du côté de Lyon, ils font chier. Moi j'ai reçu des pierres sur ma voiture lors de manif. Ah, c'est abusé. Anthony du 87, merci Anthony du 87. T'as rien demandé, les mecs qui te caillent, tu vas prendre une pierre dans ta gueule. Moi j'ai mes cousins qui débarquent d'Italie pour l'Euro. Je t'explique pas les noms d'oiseaux qu'ils balancent sur la France actuellement quand ils voient ce qui se passe à la télé. Message de Fibra 69. Bon, on va résoudre les problèmes de grève petit à petit. Aujourd'hui, on a décidé de prendre en main la grève des éboueurs sur Skyrock. Ouais. Alors, les éboueurs sont en grève, certains. Les centres de traitement, certains aussi, pas dans toute la France. Mais petit à petit, la grève des éboueurs gagne oui. du terrain. Ah ouais, ça grandit. C'est-à-dire que vous avez des rues à Paris, ça dépend des arrondissements, c'est peut-être pareil chez vous. Des rues à Paris où il y a un amoncellement de détritus. Des montagnes. Notamment la rue Saint-Denis, une rue très connue pour ses prostituées. Pour ses filles de joie. Donc tu as les filles de joie qui sont là, juste à côté d'un amas de détritus qui pue. Elles sont accoudées sur une poubelle. Ouais, pratique. Ça donne envie, c'est sexy baby. Ah ouais. Bon, nous on va demander aux familles de France, dans les endroits où il y a de la grève, de nous aider à résoudre les problèmes de détritus pour donner une bonne image de la France à nos amis touristes qui viennent ici. Non mais c'est vrai, ouais, pour l'euro, les touristes ils vont arriver, il va y avoir des poubelles partout. Ah, allez, c'est parti, juste avant de retrouver Drake sur Skyrock. Le French Test sur Skyrock. Notre French Test ce matin, alors, on va voir si les Français sont prêts à nous aider. Où est-ce qu'on va, Cédric ? On va chez Alain. Il habite où, Alain ? Il est près de Saint-Étienne. On est quoi, nous ? Nous, on est quoi ? On est des... justiciers. Non, pas des justiciers. On est des employés de la mairie de Saint-Étienne. D'accord, très bien. Voilà. La grève se termine à Saint-Étienne, mais il faut nettoyer les rues, là, maintenant. Il faut tout déblayer, les gens, ils vont nous aider. Moi, je vais dire que j'habite à Saint-Chamond. Tu habites à Saint-Chamond ? À Saint-Chamond. Très bien. Et je travaille à Saint-Étienne. Bon, on peut aller à Saint-Étienne, on peut aller à Martigues, on peut aller dans certains arrondissements. Dans l'Ariège. De Paris, dans certaines villes de France, dans le 09, si tu veux. Allô ? Oui. Bernard ? Oui, bonjour Bernard. C'est quoi la ville ? Allô ? Oui. Oui, Bernard, vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis avec un collègue, on travaille à la mairie. Et vous savez, on vous appelait concernant la grève des poubelles. Oui. Oui, ils ramassent toujours pas vers chez vous ? Les poubelles ? Si, ils ont commencé hier. Ah, ils ont commencé ? Bon, bah c'est très bien. Est-ce que vous pourriez leur donner un coup de main ? Ils ont commencé hier. Ah ouais, parce que là, il y a trop de détritus, on n'arrivera pas à tout nettoyer avant le début de l'euro, là, demain. Non, mais ça fait rire. Tu veux pas venir nous aider ? Tu prends une petite pelle, un petit seau, et puis on prend les détritus, on les met dans la benne. Bah voilà ! Bah oui. Oui, on passe te prendre à 8h. Ouais, passe. À 8h, tu nous payes le café, derrière on te donne un petit costume vert, là une combinaison. Très beau gosse. Et puis on va te mettre une casquette à l'envers, t'auras la classe. Casquette à l'envers. Ouais. Et après on va ramasser les poubelles, c'est notre activité d'accord. De la journée. Eh ben à 8h on sera là ma poule. Bah t'es super toi. À tout à l'heure, ouais. Merci mon nanar. Eh ben voilà. Merci ouais. Nanar. Si tous les Français étaient comme ça, vous imaginez la belle image de la France. Hein. Ouais. Magnifique, donc dans l'Ariège, c'est bon. Réglé. Allez. On nettoie Saint-Étienne, la grève est finie, bon ils vont nettoyer tout seul. Et là on va chez qui ? On va à Saint-Étienne. Ah bah tiens. Bien joué Cédric. Alors à Saint-Étienne ils vont nettoyer tout seuls. Mais on va quand même leur filer un coup de main. Oui, on va les motiver. Allez, c'est parti. Bonjour Christian. Allô. Oui, bonjour. Comment ça va Christian ? Ça va et toi ? Bien, pas mal. Je suis avec un ami qui habite à Saint-Chamond. Hey, je suis de Saint-Chamond. Et nous on bosse pour la mairie de Saint-Étienne. Et on voudrait savoir si vous pouvez nous aider à nettoyer les rues de la ville. Parce que bon là il y a des poubelles. Et on a partout. Et ouais, il y a les touristes qui vont arriver pour l'euro en plus à Saint-Étienne. Tu pourrais pas nous aider, nous filer un petit coup de main ce matin ? Ben je bosse pour ma part, donc j'aurais du mal. Mais après avoir bossé. Ah ben voilà, pour te détendre un peu, ramasser quelques poubelles. Ben oui. Et après on ira faire une petite virée à Rive de Chier. Donc, bonne journée. Rive de Gier. Allez, Rive de Chier. C'est pas Rive de Gier. Le Gier est une petite rivière. Le Gier, Romano. Le Gier. Voilà. Et Saint-Étienne, et on accueille plein de touristes à Saint-Étienne. Ah ouais, parce que vous avez l'euro. Vous. Et ouais, on a notre stade, ouais. Le stade Geoffroy Guichard. Bon courage si vous êtes dans les poubelles ce matin. On vous embrasse. Ben sortez de dedans quand même. Exactement. Alors, c'est pas une tenue. Tiens, je suis éboueur du côté de Nice et chez nous, pas de grève. Bah écoute, c'est bien noté. Bonjour à tous. Attends, ça peut arriver, hein. Oui, oui, peut-être, on sait jamais. Il y a plein d'éboueurs qui rejoignent le mouvement. Et attention, attention, dans un instant, il nous rejoint ce matin. C'est Drake qu'on va retrouver avec One Dance. Le son de Drake arrive. On a aussi votre horoscope, l'horoscope de l'amour. Et on va parler des stars. Comment ils étaient au bahut, les stars? C'est la compile du jour, une compile de stars. Les stars à l'école. Les révélations Skyrock, c'est avant 7h du matin, il est 6h48. Carrefour. Chérie, pourquoi t'as rajouté des bières sur la liste de courses? Bah, parce que chez Carrefour, j'ai vu une offre qui devrait te plaire. Ah bon, fais voir. Ah ouais, effectivement, dis donc. Jusqu'au 20 juin, on a 50% d'économie sur la carte Carrefour sur le pack de bières Heineken. Alors, elle est bien cette offre, non? Mais tu deviendrais pas un pro des économies, toi? Jusqu'au 20 juin, dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive, profitez de 50% d'économie sur la carte Carrefour sur de nombreux produits comme le pack de bières Heineken. Valable sur le pack de 24 x 25 centilitres modélité sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Carrefour. Soche présente. Et tu sais quoi? Ouais, je suis pas chez Choch. Oh mince, je suis pas chez Choch. Bah, Polo, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrives à le dire d'habitude? Non, mais là, c'est l'offre, ils m'ont soufflé. Pour 9,99€ par mois, j'ai 5 gigas d'internet mobile sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Ah, oh, super, j'ai passé chez Choch. Oh mince, oh! Jusqu'au 15 juin, le forfait 5 gigas est à 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ avec le code Choch promo. Rapport ARCEP 2015, promotion valable en métropole jusqu'au 15 juin 2016 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile 19,99€ par mois sur réseau et mobile compatible. Détails sur Choch.fr. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et ouais, l'horoscope, c'est parti à 6h49. Comme promis, on va découvrir l'horoscope de ce jeudi. Jeudi 9 juin. J-1. Ouais. Allez, c'est parti pour les vierges et les taureaux. Vous avez 0 sur 5, c'est votre puissance amoureuse sur une échelle de 0 à 5. Ça fait pas beaucoup. Méfiez-vous, tout le monde n'est pas aussi sympa que vous aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Faut se méfier, les vierges et les taureaux, au moins vous êtes prévenus. 1 sur 5, les gémeaux et les balances. Un petit peu de stress qui peut se transformer en énervement aujourd'hui. Keep cool, tranquille, gérez vos émotions, passerez une meilleure journée. 2 sur 5, les scorpions et les poissons. Vous vous plaignez de ne pas avoir ce que vous voulez en amour, mais vous êtes trop exigeant, donc vous serez toujours déçu. Essayez de rabaisser un petit peu vos prétentions, vous verrez, on est bien heureux comme ça. 3 sur 5, les sagittaires et les verseaux. Vous faites confiance aux autres, et bien vous avez raison aujourd'hui. Car quoi qu'il arrive, et bien vous saurez retomber sur vos pattes. Faites confiance aux autres, éclatez-vous, les sagittaires, les verseaux. Vous avez 3 sur 5. Ouais, c'est bien. Le 4, il est pour les capricornes et les lions. C'est bien aussi, c'est même mieux encore. Vous aimez vous faire désirer. Eh bien, cette méthode va plutôt bien marcher aujourd'hui, que vous soyez couple ou célibataire. Capricorne et lion, 4 et 5 sur 5. Les béliers, les cancers, votre vie sentimentale va s'emballer aujourd'hui. Oh là là là là. Bonne heure au programme pour vous, bélier, cancer, 5 sur 5. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your stuff. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Sur Skyrock, Drake avec One Dance, le son de Drake, le nouveau Soprano à écouter dans un instant sur Skyrock. On va l'écouter tous ensemble. Soprano! Soprano Baba. Et avec le nouveau son que vous avez découvert dans la radio libre, lundi, il était avec nous, Sopra. D'ailleurs, Sopra qui va faire le Vélodrome. Le Vélodrome, magnifique. Et Bercy aussi, et la Corotel Arena, oui. Magnifique. Bon, on va parler des stars et de leur comportement à l'école. En tout cas, de l'image qu'ils avaient à l'école. Comment les trouvaient les profs? Et, vous pouvez nous demander vos stars préférées. Et on va vous renseigner ce matin. Dites vite, parce que les réponses, je les ai là. Maintenant, comment ils étaient quand ils étaient au bahut? Rihanna, tiens, par exemple, elle était comment quand elle était au bahut? Dissipée, je suis sûre. Non, elle était toute sage. C'était la souffre-douleur des autres élèves. Ah merde. Ah ouais. Pauvre Riri. Oh, oh bah Riri. Bah dis donc, Riri, elle s'est bien rattrapée depuis. Hein. C'est clair. Maintenant, elle fait souffrir les hommes, Rihanna. Rihanna souffre-douleur. J'ai Black M. Ah bah oui, Black M qui avait fait un morceau qui s'appelait Madame Pavoschko. Ouais, c'est ça, ouais. Madame Pavoschko. C'était sur une de ses profs. Black M nous l'avait dit dans l'émission, dans la radio libre sur Sky quand il était venu nous voir. Lui, c'était le perturbateur qui se mettait au fond de la classe. Mais bizarrement, les profs, ils l'aimaient bien. Ah parce ouais, qu'il était sympa, Black M. Il nous avait déclaré, il trouvait que j'étais sympathique. Et pourtant, j'arrêtais pas de faire le con. Perturbateur au fond de la classe. On salue Madame Pavoschko, l'ancienne prof de Black M. Madame Pavoschko. Ah, on va parler foot aussi. Avec Mandanda, un des goals de l'équipe de France. Mandanda, qui lui était d'un calme olympien au bahut. Bah, olympien, normal, il joue à l'OM. Bien joué, jeu de mots. Calme olympien, joueur de l'OM maintenant. Eh ben oui. Déjà, on pressentait ça avec Mandanda, donc le goût de l'équipe de France. Tiens, on est sur les footballeurs. Vous voulez quel footballeur? C'est Zlatan. Bah, Zlatan. Ah. Bon, bah, il veut Zlatan. Zlatan. Très bien. Zlatan, il était comment au bahut? Zlatan is the best. Non. Alors, au bahut, il était complexé, Zlatan. Devinez par quoi il était complexé? Son nez. Bien joué. Il était complexé par son grand nez. Il était très timide. Et il y a des lettres qu'il avait du mal à prononcer, le S. Il avait un petit peu quand il était petit. Ah merde. Oui, il avait du mal à prononcer les F. Bah bon, ça va mieux maintenant. Il est complexé par son grand nez. Ah bah c'est un putain de pif. Je sais pas pourquoi il est complexé par son grand nez, il était super son mais grand nez. Mais quand t'étais tout petit, Difool, t'avais déjà un grand nez comme ça. Bah non, il était plus petit mon grand nez. Non mais il avait déjà cette forme là. Bah oui. Bah évidemment que c'est mon nez, il est comme ça, oui. Non mais t'es pas né avec ça. Bah si, je suis né avec un nez, Romano. Non mais avec un nez, mais pas dans cet état-là. Toi t'es né sans nez. Bah non, j'avais un nez, mais moi il est taille normale quoi. Ah. Justin Timberlake, comment il était? On a démarré l'émission avec lui tout à l'heure. Ah, Justin. Ah, je pense qu'il était calme. Non. Moi, j'aurais dit Atello un peu. Presque. En tout cas, on le traitait de chochotte, Justin. Ah, peut-être parce qu'il chantait comme ça dans la cour, alors. Ouais, salut, je suis Justin Timberlake. Salut, les gars. Allez, dégage, bim. On le traitait de chochotte parce qu'il jouait pas au foot. Contrairement aux autres qui jouaient au foot. Ils jouaient tous au foot, pas lui. Ah, bah, moi, putain, là-dessus, j'ai un point commun avec lui. Parce que moi, je jouais avec les filles, moi. Romano, il jouait à la corde. À la marelle. 1, 2, 3, soleil. Non, sinon, les filles, c'est, j'aimais bien jouer à la maman et moi je faisais le bébé, moi. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Moi je préfère faire le papa quand on joue au papa à la maman. Non, mais moi je faisais le bébé de la fille. Ah, mais ça devait être mignon, tiens. Ça, elle essayait de me prendre dans les bras et tout. Ah, c'est parce qu'il était tout petit. C'est ça. Ah oui. Non, mais au foot, il voulait pas que je joue avec eux. Ah non, mais t'étais trop petit. Non, mais surtout, j'étais nul. Trop nul, ouais. Et puis t'étais parfait pour faire le bébé avec ta taille. Voilà, ouais. Ah, Cristiano Ronaldo, vous me demandez, il y en a plein. Alors ouais. Lui, il était très dissipé et colérique. Un jour, il a balancé une chaise sur un de ses profs. Pas mal. Ah ouais, effectivement, ouais. Et ouais. Et sinon, tiens, j'ai Kanye West qui fêtait son anniversaire hier. Eh bien, Kanye West était un grand garçon sage. Il jouait pas au bad boy à l'époque. Il était tout gentil, le Kanye. Est-ce qu'il se prenait déjà pour Dieu? Je sais pas. C'est parce que lui, il a une tête, mais c'est même plus un hamelon ni une pastèque. Hein, ouais. C'est un... Bah, sa femme, elle a un cul, c'est pas un hamelon, c'est pas une pastèque, c'est une bassine. Là, ah ouais, c'est clair. Et lui, il a la tête, c'est une montgolfière. Kim Kardashian. Bah, ils sont bien pour ça. Ah bah, ils sont bien trouvés. Ouais. C'est vrai, ouais. Ils se sont trouvés tous les deux là. Bon, voilà comment étaient les stars au bahut. Et on le fera ces prochains jours. On complétera la liste des stars avec tous les messages que vous nous avez laissés sur le 41759, sur l'appli Skyrock d'ailleurs. Attention, notez bien ces numéros 41759. Vous téléchargez l'appli, vous nous envoyez vos messages car tout à l'heure vous pourrez vous inscrire pour le match de foot du jour, l'Euro à choper. Soprano, le nouveau, il arrive tout de suite. On va se balancer le son de Sopra. Le son de Sopra, c'est le diable ne s'habille plus en Prada. Le tout nouveau, un extrait de son prochain album déjà sur Sky. Ouais. Le 9 et 10 juin, Leader Price frappe fort sur les prix. La fraise Garriguette catégorie 1, origine France, est au prix incroyable de 1,19€ la barquette de 250 grammes. À ce prix-là, on ne s'en prive pas.

faire le point sur l'actu et on se prépare aussi. On a les 1500 euros. Ah ouais, les 1500 euros, les conseils pas chers et votre nouvelle télé Samsung à gagner pour regarder tous les matchs de foot. On est prêt, on vous offre la télé à 7h20. Tout à l'heure, on jouera à Info Mytho. Un écran Samsung, ouais. Et c'est l'écran Samsung, mais oui, à gagner tout à l'heure. Bon, bon réveil à vous. Le réveil avec la météo, c'est important. Quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Surtout qu'elle est pas mal la météo. Ouais, carrément. Il y a de l'amélioration hein, du côté du ciel. Il va faire beau aujourd'hui quasiment partout. Bon, on a quelques averses ce matin en Alsace, des orages prévus cet après-midi aussi sur la Corse et les Alpes du Sud. Rien à voir avec ceux qu'on a eu hier dans le Nord-Est. Et puis voilà, partout ailleurs, eh bien, le soleil qui va être bien présent dès ce matin. Les températures, on a 10 degrés à Amiens, 11 à Dunkerque et à Lille, 12 à Laval, 13 à Blois et à Paris, 14 à Nantes et à Poitiers, 15 à Lyon, 17 à Biarritz, 18 à Montpellier, 19 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Dunkerque, 20 à Caen et à Lille, 22 à Rouen, 23 à Metz, 24 à Blois et à Paris, 26 à Marseille et à Lyon, 27 à Tarbes, 28 à Toulouse et 30 à Perpignan. Chaud. La pollution, ouais, chaud à Perpignan. La pollution, et c'est encore pas terrible aujourd'hui, les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Paris, Reims, Orléans, Bordeaux, Pau, Perpignan, Montpellier, Marseille, Lyon ou encore Mulhouse. Dans un instant, on va découvrir quel est le sportif le plus payé au monde. On en reparle, mais d'abord, toute l'actu avec toi, Rémi. Bienvenue en France, c'est la une du Parisien ce matin avec des drapeaux. Des drapeaux non pas des pays qui jouent l'euro, mais ceux de la CGT qui continue d'appeler à plusieurs mobilisations. Opération coup de poing ce matin au marché international de Rungis en région parisienne. Près de 300 manifestants sont rassemblés aux abords du Mine et bloquent un des quatre accès. La circulation est légèrement perturbée. C'est toujours la loi travail qui est au cœur des protestations. Ça commence à bloquer les voitures et surtout à sentir mauvais. Après le carburant qui a failli nous mettre en panne, ce sont les ordures qui s'entassent de plus en plus. Cela fait plusieurs jours que les éboueurs sont en grève. La CGT appelle au blocage des trois sites parisiens et de celui de Fos-sur-Mer qui traite les ordures de Marseille. La cité phocéenne est donc au premier plan, tout comme un arrondissement pour l'instant parisien sur deux. En plus des tracas d'odeur, eh bien ça risque de poser de véritables problèmes sanitaires. Les rats pourraient être tentés par une remontée des égouts afin de s'offrir un véritable festin. Ça n'arrivera pas à Saint-Étienne où la situation a été débloquée. 9e jour de grève à la SNCF, toujours pas d'avancée concernant le temps de travail des cheminots. Le mouvement se poursuit donc aujourd'hui. 80% des TGV vont circuler. Prévoyez également un transilien et un intercité sur deux et 6 TER sur 10. Le trafic à Gare de Lyon a été totalement interrompu hier soir par une poignée d'opposants à la loi travail. Pendant ce temps-là, le PS se met en ordre de bataille. Tous les ténors du parti se sont réunis en meeting hier à Paris. Manuel Valls ou encore le patron des socialistes Jean-Christophe Cambadélis se sont succédés à la tribune. Le chef du gouvernement a taclé une droite destructrice de modèle social devant 500 militants. 150 manifestants hostiles à la loi travail ont été écartés de cette réunion. On parle sport, ça bouge du côté du PSG, puis donc le sportif le mieux payé au monde, qui sait, on va savoir ça tout de suite. Il aurait fait ses adieux aux joueurs et surtout à sa direction. Unai Emery se rapproche encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Alors rien d'officiel hein, pour l'instant, mais le technicien basque aurait reçu une offre de 3 ans à 5 millions d'euros par saison. C'est la presse espagnole qui l'affirme. On attend désormais l'annonce du PSG, peut-être dans quelques heures ou quelques jours. Le boxeur Floyd Mayweather était l'an dernier le sportif le mieux payé de la planète. Eh bien, il n'est que 16e cette année selon Forbes, le magazine américain qui publie les résultats chaque année. Et ça s'explique par la simple bonne raison qu'il a pris sa retraite un peu de temps après le combat du siècle contre Pacquiao. Cette fois-ci, le premier s'appelle Cristiano Ronaldo. Et le Portugais a cumulé 88 millions de dollars sur les 12 derniers mois, si on compte son salaire au Real, mais aussi ses contrats pubs. C'est mieux que Messi, qui n'est quand même pas loin, avec 81 millions. Messi, deuxième pour le petit prodige argentin. Le basketteur américain LeBron James, dont on va parler d'ailleurs dans une demi-heure là, avec les résultats NBA, complète le podium avec 67 millions. La première femme, c'est la tenniswoman américaine Serena Williams qui pointe au 40e rang. Par contre, aucun Français ne figure dans le top 100. Très bien, bravo Cristiano. Ouais. Et Cristiano qui est en France, ça y est, elle est là. Ouais. Si tu nous écoutes, Cristiano, hola. Non, pas hola, c'est espagnol. Bon dia. Voilà, on fait dans le portugais. Viva Portugal. Et viva Cristiano. Merci Rémi pour les infos. À tout à l'heure, on te retrouve à 7h30. Yeah. Aujourd'hui, c'est déjà jeudi et c'est le morning de Difool. The morning show. En direct sur Skyrock. Et J-1 avant l'euro et toujours des places à gagner sur Skyrock. Vos places pour un gros match ce matin, on en reparlera avant 9h. C'est promis à n'importe quel moment de l'émission. La roulette peut tourner, on peut vous offrir vos places pour l'euro. Les places Crédit Agricole qu'on vous file sur Skyrock tout au long de la journée. Gratuite, pas cher. Ouais, 7h07. Et ça t'a excité, ça, Romano, d'entendre que Cristiano Ronaldo gagnait 88 millions de dollars par an. Hein. Ouais, ça va, ouais. Ah, t'aimerais bien être, son fils. Bah j'aimerais bien être lui même. T'aimerais être lui. Ah bah ouais, 88 millions d'euros. 88 millions, Messi n'est que deuxième. Enfin bon, ça va, 81 millions pour Messi. Hein. Ah oui, ça va, attends. Ah, on s'en sort. Bon, nous on a de l'argent ce matin à vous offrir. 1500 euros tout de suite. C'est pour notre grand rendez-vous avec les ouais, avec les annuaires de France. Un numéro a été tiré dans l'annuaire. Est-ce que c'est le vôtre? On va voir ça tout de suite. Si c'est le cas, bah vous répondez Skyrock. Et vous gagnez 1500 euros. Votre télé a gagné tout à l'heure, la Samsung, la nouvelle à 7h20. Et les conseils pas chers, et je me retourne vers toi, Romano. La météo t'inspire aujourd'hui puisque le soleil revient à peu près sur toute la France. Et là, ça va être la période où on va ressortir les barbecues. Ah, le soleil est là, les barbecues aussi. Les fameuses merguez parties. Oh. Les chipo parties. Eh ouais, les brochettes, hein, c'est trop bon le barbecue. Ouais, j'aime bien le barbecue moi aussi. Ça c'est bien, ça veut dire que c'est l'été, qu'il fait beau, que t'es avec des potes, que tu bouffes, c'est cool. Ah, je vais en faire un ce soir, je le sens bien. Ah, très bien. Ça y est, je suis chaud. Rémi va se brûler au troisième degré pour demain matin. Non. Tu fais ça à l'intérieur de ton appartement? Non, mais j'ai un jardin, mon petit copain. Ah, ouais. Ça c'est la classe. Ah ouais, il y en a qu'on les moyens. Oui. Bon, donc vous, qu'est-ce que tu voulais faire, Romano? Eh ben là, je vais partir chez les familles avec mon barbecue roulant et je fais une vente de merguez dans tout le quartier. C'est vrai, parce qu'il a réfléchi à un truc, il s'est dit, on peut se faire livrer des pizzas, des sushis, à peu près tout, mais il y a personne qui livre des barbecues. Eh ben ce matin j'arrive avec mon barbecue à roulettes. Et personne n'y a pensé, Romano. Il y a de la suite dans son cerveau chauve. Hein. Eh ouais, ça fuse là dedans. Il y a de la suite dans les idées. On fait le test, on va voir si ça va marcher. Direction le barbecue dans un instant, mais d'abord direction 1500 euros. La France, c'est les 1500 euros à gagner. Le jeu des 1500 euros. 100 euros, c'est 1500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. 1500 euros à gagner et c'est Romano qui ouvre l'enveloppe aujourd'hui. Ouais. Alors attention, c'est parti. C'est parti. J'ai dit que j'allais à l'hôpital pour mon épaule aujourd'hui. Ah non, pas encore. Ah non, mais tu l'as pas dit. Non, ah. Ça y est. Mais pas nous, ça va, nous on est au courant. Non, mais hier, je vous tiens au courant de ma maladie quand même. Bah oui, oui. C'est un grand feuilleton, hein. Vous suivez depuis une semaine. Aujourd'hui, direction l'hôpital. J'espère que j'en sortirai. Ah oui, t'inquiète pas. Un jour. Alors, on va chez qui? C'est bon, t'as fini ton cirque? On peut offrir les 1500 euros? Mais bien sûr, on offre les 1500 euros. Parce que là, il y a sans doute un Cédric qui nous attend quelque part en France et on va aller dans le 43. Ah, en Haute-Loire. Ouais, en Haute-Loire. Et souvent, vous plaignez qu'on va que dans les grandes villes. Faux. La preuve, on va à Monistrol-sur-Loire. Ah, je connais bien Monistrol-sur-Loire. Et c'est Cédric Allois qu'on appelle. Eh bien, Cédric, représente bien. C'est juste à côté de Saint-Etienne. Allô, allô? Allô? Bonjour, madame Allois. Oui. C'est la femme de Cédric? Oui. Oui. Eh bien nous c'est la radio, on est en direct à la radio dans toute la France. Et on t'appelle ce matin pour t'offrir des sous. On t'a tiré au sort dans l'annuaire, il y a 1500 euros à gagner. Et pour gagner, il faut que tu me dises quelle est ta radio préférée, ma chérie. Et avoir la bonne, hein. Et avoir la bonne. Et avoir la bonne. Ah oui, c'est, ce serait un peu trop facile. Eh, sinon ça gagne pas. Hein. Alors, quelle est ta radio préférée? C'est comment ton prénom, je t'ai pas demandé. Stéphanie. Alors, Stéphanie de Monistrol-sur-Loire, ta radio préférée, c'est tu quoi? Tu peux demander à Cédric s'il est dans le coin. Hein. Oui, oui, vous pouvez vous consulter en famille. Je sais pas, Skyrock? Ben oui, tu sais. Ben ah voilà. Bah alors, tu sais très bien. Dis pas, je sais pas, tu sais, c'est Skyrock, mais oui, c'est gagné. Eh ben bravo! Eh bien, 1500 euros ce matin à Monistrol. Monistrol-sur-Loire, 1500 euros pour toi, c'est super, ma chérie, Stéphanie. Eh ben bravo, Stéphanie! Bravo. Bah merci. Eh ben ouais. J'en reviens pas. Eh ben c'est une bêtise, non? C'est vrai, c'est... Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. On est là en direct sur Sky. Eh ben ça fait plaisir. Donc t'as Monistrol-sur-Loire dans le 4-3, toi. Oui, c'est ça. Très bien. Je connais bien Monistrol-sur-Loire. Et Cédric, il est dans le coin? Oui, oui. C'est lui qui a soufflé derrière, non? Un petit peu, ouais. Hein, un petit peu. Non, ah mais c'est bien. Il a bon goût. Eh ben vous allez pouvoir partager tous les deux. Stéphanie, Cédric, 1500 euros pour vous. C'est super. Tu fais quoi dans la vie, Steph? Je travaille dans les assurances. Parfait. Écoute, c'est magnifique. Tu vas aller travailler, mais t'as déjà gagné. Je vais partir bosser, là. C'est une bonne journée qui commence. Bah, t'as déjà gagné 1500 euros, tu vois, sans bosser. Ouais, bien joué. Ouais, bravo. Super. Merci. Hein. Il suffit de répondre merci Skyrock. Bah, merci à toi. Merci. Tu vas partir en vacances avec tes 1500 euros. Ouais. Tu vas faire oh, quoi? Oui, ouais. C'est une bonne idée, les vacances. C'est une bonne semaine. Merci. Bah, super. Gros bisous, Steph. Merci. Raccroche pas, on te reprend tout de suite. Au réveil, vous aussi, vous voulez gagner 1500 euros. C'est facile. Vous réveillez avec le morning. Vous répondez Skyrock quand on vous appelle et on recommence dans moins d'une heure. Vous faites comme la belle Stéphanie Monistrol. Vous répondez Skyrock et c'est dans la poche. The Morning Show. It's Fifth Harmony. Fifth Harmony. The Morning Show on Skyrock. I don't worry about nothing. I am wearing that nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta. Put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the foreign with me. Ooh, she the bae. I'm her boo. And she down to break the rules. Ride or die, she gon' go. I'm gon' choose. She finesse. I fight books, she take that. Putting overtime on your body. Work from home sur Skyrock, on écoutait les Fifth Harmony. Rihanna arrive avec Calvin Harris dans un instant. On écoutera du MHD aussi un petit peu plus tard dans la matinée. Ah bah oui. Et puis on vous offrira vos places de foot. Mais d'abord, attention, conseil pas cher. La matinée se déroule bien. On a offert 1 500 €. On a parlé de Cristiano Ronaldo qui était le joueur, pas le joueur de foot, le sportif le mieux payé au monde. Et toi Romano, ça t'a rendu tout excité. Eh bien ce matin, je vais devenir le roi du barbecue. Imaginez dans quel état il est. Mm-hmm. C'est comme pour certains de regarder une vidéo sur YouPorn, ça l'excite mais à un point inimaginable. Ah bah là, il y a de l'argent à faire. Hein. Ça te donne envie de chanter les conseils pas chers. Allez, on va chanter les conseils pas chers. Ce matin, conseil pas cher barbecue est vraiment pour les acharnés. Ouais. Il y a le championnat de France du barbecue qui existe au Sainte-Marie-de-la-Mer. Le championnat de France du barbecue, mais il faut quoi? Alors plusieurs catégories, bah il faut faire le meilleur truc au barbecue. Porc, bœuf, agneau, poulet, taureau, poisson, légumes. Et ceux qui cuisinent le mieux gagnent de l'argent. Ah bah c'est pas mal. Et des barbecues. Et ben voilà, c'est au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, c'est bien noté. Les céréales grilleurs, ils appellent ça. Et t'as eu une super idée. Et c'est étonnant que ça existe pas encore. Peut-être que ça existe, mais on n'a pas repéré. Les livraisons de barbecue à domicile. Le barbecue. Ça, c'est. J'allume le feu là. Ah, oui, le barbecue roulant. Le barbecue roulant. J'arrive, le barbecue à roulette débarque chez vous, dans les familles, dans toute la France. Ah ouais, tu vois, c'est une bonne idée, je trouve. Ouais, c'est pas bête. Allez, on y va, go. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Attention, la chorale. Oui. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Spécial barbecue ce matin. Allez, c'est parti. On va voir si la livraison ça marche. Et on va chez Bernard. Bon, ils ont rien commandé, c'est livraison forcée. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bah oui. C'est pour tester ce matin là. Oh, et puis je trouve que c'est la bonne heure pour manger une merguez. Oui. Ouais. Et puis c'est bien tes conseils pas chers. Hier, tu nous proposais de partir en vacances gratuites, ça a marché. Là, c'est les barbecues. Allô. Bernard. C'est Bernard. Bernard. Bernard. C'est Bernard. Ouais, c'est dommage. Bernard n'aura pas sa merguez. Et non. Il s'achipot. Ah bah non, tant pis pour lui, il aura rien. Même pas de brochette. Que dalle pour Bernard. C'est qui? Chez Didier. Chez Didier. Alors Didier va-t-il apprécier le barbecue roulant? Allô, allô Didier? Oui, allô. Oui, bonjour, c'est la femme à Didier? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Le barbecue à roulettes, c'est moi. Et Didier m'a commandé des merguez pour ce matin, pour le petit déjeuner. Non, mais vous êtes qui, honnêtement? Ah bah je suis Monsieur Lapince, le roi du barbecue, le barbecue à roulettes, c'est moi qui l'ai créé. J'arrive, je me déplace, j'ai mon petit barbecue à roulettes et je livre des merguez à qui on veut. Ouais. Tu aimes bien les merguez, toi, ma coquine, hein? C'est ce qu'il nous a dit, hein, Didier. Ça m'étonnerait que vous l'ayez eu au téléphone. Ah bah si, je l'ai eu, hein. Et donc, il m'a dit que t'adorais les merguez et les grosses saucisses. Non. Je viens. Je viens là, je mets un coup de klaxon, un petit coup d'accélérateur, et j'arrive avec le barbecue à roulettes. Et on se fait une merguez partie ce matin. Non, mais vous êtes qui exactement? Non. Monsieur Lapince, toujours. Il est là, Didier? Non, vous n'êtes pas Monsieur Lapince. Ah bah ça, je vous assure. Je vous assure, madame, je le jure, regardez, je vous montre ma carte d'identité. Monsieur Lapince. Ah oui, au téléphone, oui, c'est ça. Montrez votre carte d'identité au téléphone, Vous l'avez pas vue? Vous la voyez pas? Elle est là. Hop, je la déplace, regardez, à gauche, à droite, en haut, en bas. Il est bête. Bon, ben, je vous amène une petite merguez. Ce matin, je vous fais un tarif spécial, une achetée, une gratuite. Ça fait 10 euros. Non, merci, ça m'intéresse pas. Ah bah c'est trop tard, vous avez dit oui, j'arrive. Non, merci. Allez, on chantera la merguez partie. Non, merci. Allez, laisse-toi aller, bébé. Non. Une bonne grosse saucisse comme tu les aimes. Oh, Cariole est très intéressée. Ouais. Rien. Faut en profiter, j'ai déjà des amatrices, hein. Sinon, je l'offre à quelqu'un d'autre. Bah, allez-y, offrez à quelqu'un d'autre non, si vous voulez. Je vais venir te voir, t'as une voix sensuelle. Je vais t'offrir une belle merguez. Non, mais vous êtes qui exactement? Ah, ça recommence. C'est Monsieur Lapince. Monsieur Lapince, le roi du barbecue. Regardez. Non, vous n'êtes pas Monsieur Lapince. Je t'assure que si. Hein. Non. On m'a jamais fait ce genre de choses au téléphone. Ah bah, tu veux qu'il te remonte sa carte d'identité? Eh bah, je te la remonte. Voilà. Elle est là. Sous tes yeux, je te donne mon identité, Monsieur Lapince. La femme de Didier. Allez, ce matin, c'est parti. C'est la merguez partie à la maison. C'est la merguez. Ah. Merguez partie. Ouais. Salut la femme de Didier. Non mais comment vous, en plus vous téléphonez aux gens, comment vous savez que je suis la copine à Didier? On a fait une enquête sur toi. Prénom? Didier nous a tout dit. Ah bah Didier, je le crois souvent au bistrot, hein. Méfie-toi, il commande des barbecues en cachette, il a des trucs à te cacher, le Didier là. Il fait un trafic de merguez, Didier, je te le dis entre il nous. Pas clair. C'est possible. Didier, il a des merguez cachées dans ses poches et tout, je sais pas ce qu'il trafique, c'est pas clair. On t'embrasse, la femme à Didier. Salut, gros bisous. Au revoir, je suis Monsieur Lapince. Hein. Attends, on lui a appris des trucs ce matin, la femme à Didier. Elle est choquée. Mais heureusement, on va lui remonter le moral avec une petite merguez partie. Je suis sûr que ça peut marcher, ça. Ah ouais. Bah ouais, il livre des pizzas, il livre plein de trucs, des sushis, tout ça. Et bien maintenant, c'est le barbecue. Là, je me demande si je vais pas lancer ça pendant l'Euro. Je vais me travailler avec un barbecue dans Paris. Ouais, le barbecue à roulettes arrive, attention. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Et votre télé à choper, c'est dans un instant. Attention, préparez bien vos téléphones. Une question de sélection, on va jouer à Info ou Mytho. Hi, this is Calvin Harris. Hi, this is Rihanna, and you're listening to Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Looking at

toi, ma vraie fan de foot et supporter de notre équipe nationale. Avec moi chez Leclerc. Pourquoi chez Leclerc ? Eh bien, parce qu'en ce moment, chez Leclerc, il y a le grand jeu de la Ligue des supporters avec plein de maillots de foot à gagner de toute beauté. Devenez le meilleur des supporters grâce au jeu La Ligue des supporters. Du 1er 11 juin chez Leclerc, tentez de gagner un maillot de foot dès 25 euros d'achat ou pour l'achat de 3 produits partenaires du jeu. Voir modalité dans les magasins participants. Un maillot pour chanter tous ensemble. Allez, la France ! Brico-Dépôt vous présente l'arrivage du moment en deux mots. Fines herbes. Salade composée. Tondeuse thermique. Moteur puissant. 125 cm3. Large coupe. 46 cm. Pré-coupé. 209 euros. La qualité, le prix. Brico-Dépôt, l'essentiel en deux mots. Tondeuse thermique tractée Enel. 125 cm3 avec moteur 4 temps Briggs & Stratton à seulement 209 euros. Arrivage en quantité limitée à partir du 10 juin dès 7h. Rendez-vous en dépôt et sur bricodépôt.fr. Brico-Dépôt a été réélu meilleure chaîne de magasins de bricolage de France. Morning de Difool. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et oui, avec vous en direct avec nous. Et elle va jouer ce matin en direct de Dunkerque dans le 5-9. On dit bonjour à Erika. Bonjour Erika. Salut Difool, salut tout le monde. Salut Erika. Salut. Alors Erika, tu fais quoi dans la vie? Présente-toi un petit peu. Moi, je suis adjointe de direction dans un hôtel. Oh, Il est plein, et avec l'euro, parce que l'euro, c'est pas loin. Toi, t'as Lens, t'as Lille, pas très loin. Est-ce qu'il est plein ton hôtel? Plein de touristes? Il est plein, mais pas de touristes comme ça. D'accord, pas de touristes pour l'euro. Non. Je dis ça parce qu'on a les places à vous filer peut-être avant 8h du matin pour un gros match, mais j'en reparle dans un instant. Erika, on va jouer donc à Info ou Mytho avec une belle nouvelle, si elle est vraie. McDonald's qui va planquer une pépite en or dans sa boîte de nuggets, une pépite d'une valeur de 1320 euros. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est un mytho? C'est une info. Oui. Mais mauvaise nouvelle, c'est au Japon. Ouais. Oh. Et en fait, c'est une pépite en forme de nuggets. Ouais, pépite en forme de nuggets. C'est bien pour les Japonais, mais il faut faire ça en France, McDo aussi. Moi, j'en mange tout le temps des Chicken McNuggets. Bah ouais, c'est bien ça. Il faut le faire, oui. Faites-le, puis Romano ne mangera plus que ça. Hein. Faites des Big Mac en or aussi, parce que j'adore les Big Mac. Big Mac en or, mais ouais. Donc c'est pour les Japonais pour l'instant. On espère que ça va arriver en France. En tout cas, pour toi, c'est bien. Ça te permet de te qualifier, de tenter de gagner la télé maintenant. Tu vas jouer, tu sais comment ça se passe, hein, avec Cédric, qui te raconte une histoire, avec Romano qui t'en raconte une autre. Il y en a un des deux, c'est un mytho, faut découvrir qui c'est. Ouais. Bonne chance. Allez, même aussi. Info, mytho. Qui dit vrai, qui dit faux. Allez, on croise les doigts et on écoute. On croise les doigts et on écoute Romano tout de suite. Alors, moi, c'est une info Castorama. Castorama, c'est Castoche. C'est Castoche. Alors, hier, il y a eu un gros bug informatique sur leur site internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, quand tu tapais un truc dans la barre de recherche, tu sais, ça te fait des suggestions comme sur Google, par exemple, je sais pas, tu tapes DIF et ça va te marquer Difool, par exemple, sur Google. Très bien, ou ROOM et ça te marque Romano. C'est ça. Eh ben, sur le site internet de Castorama, il y a eu un bug. Alors, ils savent pas d'où ça vient pour le moment. Par exemple, quand tu tapais peinture, ça te faisait une suggestion, c'est genre peinture-moi la chatte. Oh ah. Donc, il y a un mec qui a hacké le site de Castorama. Oui, alors, il y avait aussi peinture-moi la bite, peinture de merde. Il y avait également avec perceuse, et alors, il y avait perceuse dans le cul. Il y a donc un hacker mais qui a de l'humour. Oui, voilà, ouais. Donc il a fait ça sur plein de produits perceuses pour mettre dans le cul. Très bien, oui, on a compris. Ça t'a beaucoup abusé. Ah ouais. Le hacker. C'est vrai, c'est marrant. Fou. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Info, mytho. Cédric, ton info. Alors, moi, c'est Danny Boone qui aurait fait un scandale sur le net parce qu'il faisait un casting pour son prochain film. Et dans l'annonce, il a mis cherche personne plutôt moche, style Ribéry, entre 18 et 35 ans pour mon prochain film. Non. Alors, qui dit vrai, qui dit faux, Erika? T'as les deux infos. Ouais, non, c'est sur le Casto qui est vrai, je crois que j'ai entendu. Casto, c'est vrai, donc Danny Boone qui rechercherait un acteur moche style Ribéry, c'est faux. J'espère pour Francky. Hein. Eh ben oui, c'est gagné. Ouais, la télé. La télé Samsung, elle est pour toi. Bravo. Oh, c'est bien. Oh, je suis trop contente, je vous adore, merci beaucoup. Bah moi, je suis super content pour toi, Erika. Une télé Samsung, 101 cm, Smart TV, 4K, elle est super, elle est pour toi. Et tu la reçois très très vite à la maison. Merci beaucoup, gros bisous Samsung. À tous. Bah nous aussi, on te fait de gros bisous, bosse bien, bon courage, Erika. Merci, bisous. Et ouais, vos télés à choper tous les matins, c'est depuis cette semaine, profitez-en, super télé qui arrive à la maison. Ouais, bien joué. Tu vas la mettre où, Erika? Dans le salon, dans la chambre? Ouais, dans le salon, je vais changer la petite. Oh, allez, une grosse télé. 101 cm là. La seule radio qui vous offre des télés, c'est Skyrock. Eh ouais. Si, c'est beau. Bisous, Erika. Ciao. Bisous. Ciao. Salut à toi. Il est 7h33 sur Skyrock. On file du côté des infos. Attention, attention, les places de foot, peut-être avant 8h. Et MHD à écouter avec Afro Trap. C'est dans un instant sur Sky. Mais d'abord, les infos de Rémi. La météo pour aujourd'hui. Et ça va beaucoup mieux côté ciel. Quelques averses ce matin encore en Alsace et des orages prévus cet après-midi sur la Corse et les Alpes du Sud. Partout ailleurs, eh bien, rien à signaler puisque le soleil va faire de très belles apparitions. Les températures ce matin dans le nord comprises entre 10 et 14 degrés, 11 à Lille et 13 à Paris, de 14 à 21 dans le sud, 15 à Lyon et 19 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Cherbourg, 20 à Lille, 22 à Saint-Brieuc, 23 à Clermont-Ferrand, 24 à Alençon et à Paris, 26 à Marseille et à Lyon, 27 à Angoulême, 29 à Albi et 31 à Nîmes. La pollution, et c'est encore pas terrible aujourd'hui, les indices compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Reims, Orléans, Bordeaux, Pau, Perpignan, Montpellier, Marseille, Lyon ou encore Mulhouse. Tiens, on va parler soleil dans un instant. Eh oui, le soleil arrive, on va en profiter. Soleil, vacances, plage. Ah ouais. Et info tout de suite, info et sport, c'est parti. L'euro qui commence demain et les tensions sociales qui se poursuivent. Ce matin, c'est le marché international de Rungis qui est bloqué par des manifestants. Du côté des rails, 9e jour de grève à la SNCF, mouvement reconduit par les cheminots. 80% des TGV vont circuler aujourd'hui. Le trafic à la gare de Lyon a été totalement interrompu hier soir par une poignée d'opposants à la loi travail. Vous devez savoir également que la menace de grève chez Air France plane toujours pour ce week-end. Les déchets qui débordent de plus en plus. Les éboueurs continuent de bloquer plusieurs centres de déchets en région parisienne, mais aussi en province, notamment à Fos-sur-Mer. Les poubelles s'entassent à Marseille et dans un arrondissement sur deux à Paris. Situation débloquée en revanche à Saint-Étienne. Un cadavre retrouvé dans une cave à Mantes-la-Jolie en région parisienne. C'est le corps d'une femme qui a été retrouvée dans un état de décomposition avancée. La porte était verrouillée de l'intérieur selon une source proche de l'affaire. Les circonstances que la police juge suspectes, une enquête a été ouverte. Un immeuble de Clichy-sous-Bois dans le 9-3 évacué d'urgence hier. Un morceau de la façade du bâtiment de 11 étages s'est effondré. Les pompiers sont très rapidement intervenus sur place et ont demandé à tous les résidents de quitter leur logement. Une réunion de crise s'est ensuite tenue en mairie. Les habitants ont été emmenés dans un gymnase où ils ont passé la nuit. Scène de panique hier à Tel Aviv en Israël. Deux Palestiniens ont ouvert le feu dans un quartier de restaurants et de bars près du QG de l'armée. Le bilan fait état de 4 morts et au moins 5 blessés. Les auteurs des tirs ont été interpellés. Et on parle sport maintenant, équipe de France J-1. Et puis on parlera aussi basket, la NBA. Tout dernier réglage pour les Bleus de Deschamps aujourd'hui. C'est demain que la France affronte la Roumanie en ouverture de l'Euro à 21h. Le match qui sera bien évidemment à suivre dans la radio libre. On attend les compos du sélectionneur, mais on sait déjà que Payet devrait être titulaire avec Giroud normalement à la pointe de l'attaque. On verra. En tout cas, les Bleus ont plein de soutien ce matin, notamment celui de l'équipe qui titre en une ce matin, donc favori. Le quotidien sportif est persuadé que la France a toutes ses chances. Et d'ailleurs, les derniers pronostics nous placent parmi les favoris, placent désormais en tout cas à la fête. Les fanzones vont ouvrir un petit peu partout dès aujourd'hui. Un concert géant est prévu ce soir dans celle du Champ de Mars à Paris. Et puis la suite des finales NBA entre Golden State et Cleveland. Avantage pour les Cavaliers cette nuit qui s'imposent largement 120 à 90. LeBron James a signé 32 points et 11 rebonds. Cleveland revient donc à une victoire contre deux. Rendez-vous dans la nuit de vendredi à samedi pour le match 4 entre les deux équipes. Merci Rémi. Les infos, la suite tout à l'heure dans une demi-heure. Il est 7h36 sur Skyrock. Le morning de Difool, 6h, 9h. Bon, les shows. Avec Difool et Romano sur Skyrock. Et on se prépare. Alors, on a plein de choses à faire ce matin. Les conseils pas chers tout à l'heure à 8h10. Romano, ouais. Tu t'occupes de quoi ce matin dans les conseils pas chers à 8h10? Ah, bah, nouvelle idée. Là, je vais mettre une taxe pour l'euro 2016. Ah, oui, oui, bah, c'est vrai, il faut profiter de l'euro pour gagner de l'argent. C'est le moment ou jamais, hein. J-1, on en parlait. Oui. Les places pour l'euro, peut-être avant 8h du matin. Si on trouve 2 minutes, allez, on vous le fait avant 8h. Je vous annonce le match qu'on vous offre. C'est un gros match avec des favoris, les Allemands. Ouais. Contre l'Irlande du Nord. C'est ce qu'on va vous offrir. Si vous voulez aller voir vos matchs de l'euro, c'est avec Skyrock et le Crédit Agricole toute la journée et dès le matin dans le morning. Il suffira de nous envoyer quand je vous donnerai le top officiel Euro 2016 et vous nous enverrez votre prénom et votre numéro de téléphone. C'est comme ça qu'on joue ensemble. On fera un petit tirage au sort les yeux fermés et vous ferez tourner la roulette avec nous. J'espère avant 8h. Notre réveil de star à 7h50, l'horoscope à 7h45 et tout de suite on va parler été et maillot de bain avec le sondage du jour. Sondage IFOP qui a été fait sur les Françaises. Est-ce que les Françaises redoutent l'épreuve du maillot de bain cet été? C'est la question que l'IFOP a posé aux Françaises de France. Oui. Ah oui. La réponse dans un instant. On connaîtra également les complexes des Françaises sur la plage. Ouais. Spécial pour vous les filles ce matin. Okay. Alors dites-nous, tiens d'ailleurs, si vous avez des petits complexes sur la plage, qu'est-ce qui vous dérange quand vous êtes sur la plage en maillot? Tiens, faites-nous signe. À part les yeux des pervers qui vous regardent de haut en bas, allongés sur le ventre, sinon ils montent une tente. Dans ces cas-là, vaut mieux s'allonger sur le ventre et faire un trou. Donc, dites-nous, qu'est-ce qui vous complexe sur la plage, les filles? Moi, c'est les poils qui dépassent. Eh bien, il faut les couper, carriole. Allez, vos réponses au 41-759 et sur l'appli Skyrock. On en parle tout de suite. Opération maillot de bain, été, plage, soleil. C'est sur Skyrock. Il est 7h38. Gâté, appétit, on se marche dans le morning de Difool. Skyrock promet ce RMHD. Les bâtards qui partent par intérêt. On paraît tout penser de terre. Après des marchés, il est tout terrain. Qui veut la bagarre? On vit ta tenue, mon gars, place au combat. On chie pas le fatigue, paye j'en teste. Le bon qui va gérer mes vêtements. Et ma ça, tu prends les mecs de la heure. Je pense de mon délai, c'est pas si t'as vu. Hein, mon ami, c'est bon, l'enfant, aïe, tu peux bouger ta ville. Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Nantes, Paris, Mbalé. Faut que les jaloux, j'y vais ma vie. À 11h, je dis ça avant même. Gâté, appétit. On se marche la boule à du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâti appétit, gâti appétit, appétit. Gâti appétit, gâti appétit, appétit. Tout ça n'est qu'éphémère, pas les prix si je te plais pas. Me mépriser mes gars sont mes prévages. Ça me fait bizarre quand je vois les gens danser sur la moule. Ouais, est-ce que bête, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pris du galon depuis la partie 1. Bon, j'ai pas quitté le texte, la rue, la vraie. Appétit, la reconnais pas la porte. Constitulaire, que c'est moi qui le passe. Ça passe, tu parles, on sait que tu ne passes pas. C'est plus utilitaire quand la ligne est restreinte. Gâté, appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, gâté, appétit, appétit. Gâté, appétit, on se marche la boule à du Brésil. Imbécile, veux pas loin d'ici. J'oublie les galères et les soucis. Gâti appétit, appétit, gâti appétit, gâti appétit, appétit. HD sur Skyrock, pa, pa, pa, pa. C'était Afrotrap partie 5 à 7h41. La plage arrive, l'été là. Ça y est, on a du soleil enfin aujourd'hui là. Si vous avez encore des nuages, de la pluie, du brouillard, logiquement ça devrait se lever, la journée devrait être bonne. On croise les doigts. Les femmes sont-elles complexées par l'épreuve du maillot de bain? Eh bien, la réponse est oui à 61%, c'est le sondage de ce matin. Ah ouais, quand même. Pas complexer, 61% des femmes redoutent l'épreuve du maillot de bain. Tu redoutes aussi l'épreuve du maillot de bain, Cédric? Ouais, moi non, tranquille, détente. Bah, c'est les autres qui redoutent. Ah oui. Ce matin, on se met en maillot de bain, si tu veux. Vas-y, vas-y, Cédric. Ouais, t'as pas l'air d'un con. Oui, c'est vrai, l'autre, il va se retrouver en maillot de bain tout seul dans le studio. Je rappelle qu'on a une baignoire, mais on n'a pas de piscine. Hein. Ah oui. Puis, mais quoi, sur la plage, Cédric, des moules-boules? Oui. Non, je change de bain. Genre, à la camping, Franck Dubosc, Patrick Chirac. Ouais. Alors, on n'attend pas Cédric. Non, je change de bain. Alors, par quoi vous êtes complexé sur la plage? Ma grosse bosse entre les jambes, ça, c'est ah, bah oui, ça. Ça, c'est le message d'un garçon, j'espère. Autrement, pour une fille, ça veut dire qu'elle a une grosse. Ah non, c'est un garçon. Merci, Sopra. Christelle, juste en dessous, elle, c'est son ventre. Il y a beaucoup de réponses avec mon ventre, hein, les filles. Vous complexez par votre ventre. Moi, c'est mes cuisses. Je les trouve toujours trop grosses. Pourtant, je fais 1m70. Ah, putain, t'es grande déjà. Et 55 kilos. Oh, ça va. Ah, bah, tu dois pas être très, très grosse. Ah bah non. Ça c'est comme les copines à moi qui se trouvent trop grosses. Elles sont maigres comme des fils de fer. Je vous ai dit que c'était les poils qui dépassaient. Oui, Carriole, tu nous as dit. Bon bah j'ai le résultat du sondage. Le sondage, les complexes des Françaises de sur la plage. Alors en 1, justement, les poils. Avoir une aisselle ou une jambe mal épilée à 39%. Bah, faut vérifier avant d'aller sur la plage. Ah oui. Ah ouais. En 2, le petit bourrelet qui tombe au-dessus de la culotte, le ventre. Ah, le petit ventru. Oui. En 3, le sein qui déborde du soutien-gorge. Oh, c'est pas grave, ça. Ah, mais sa carriole, c'est sa spécialité. Tu sais, elle plonge dans l'eau, elle se retrouve, son haut, il se retrouve au niveau, de la minette. Je crois que c'est arrivé à toutes les filles, ça. Mais continuez, nous, on aime bien. Ouais. Hein. Le sein qui déborde du soutien-gorge, on adore. En 4, la cellulite, c'est la culotte de cheval. Mmh. Et en 5, ah oui, quand t'arrives tout blanc, le manque de bronzage, quand t'es tout blanc et que les autres sont tout bronzés. Ouais, mais ça, regarde. C'est normal, quoi. Tout le monde passe par là. Ouais. Tout le monde arrive blanc à un moment. À moi de faire comme dit Foul, de faire un bloc du verre. Je fais pas du verre, Romano, c'est dangereux pour la peau. Ouais, bien sûr. Depuis que je sais que c'est cancérogène, je ne fais plus du verre. Dit Foul, c'est un lundi, il arrive, il est. Orange. On dirait une carotte, quoi. Mais non, je fais pas du verre. N'écoutez pas ce qu'il dit. Non, mais il va. Et là, avoue, tu vas. Bon, avec ton bras, là, tu vas pas pouvoir, mais. Non. Mais non, mais tous les ans, t'en fais. Non. Alors, ce que je fais, c'est avant de partir en vacances, oui, je fais 2-3 séances du verre pour éviter de cramer sur la plage. 2-3 séances par jour. Je m'y prends au dernier moment, donc forcément, oui. Tu mets les petites lunettes et tout? Oui, pour pas brûler les yeux. La tête que tu dois avoir. J'ai la totale. Ah oui, le passage, j'aimerais bien. Tu veux pas les amener un jour? Si tu veux, si tu veux. Mais un conseil que je vous donne d'ailleurs, si on vous donne des lunettes qui ont déjà été utilisées par d'autres, mettez un coton, sinon vous pouvez choper une maladie des gens. Ah, mais normalement, t'achètes ils te vendent ta paire de lunettes? Pas partout, parfois ils te les filent et les trucs du client d'avant. Si le mec a une conjonctivite, par exemple, tu les mets, tu chopes une conjonctivite toi aussi. Ouais, ou alors le mec qui t'a laissé un gros caca à Dieu, tu sais. Donc t'aider des make-up ou des trucs comme ça sur les lunettes, hop, c'est bien. Ah bah là, total look. Bon, alors, ce matin, on a parlé des complexes et on va aider les Françaises qui vont peut-être bientôt aller sur la plage à être belles gosses. Et on vous le disait donc, le truc qu'elles redoutent le plus, les Françaises, c'est les trucs mal épilés. Ah bah ça tombe bien, moi je vais épiler moi. Bah oui, j'ai l'épilateur bourguignon avec nous. T'es le patron d'Ifool? Ouais, je suis patron de la boîte d'épilation. Ouais, moi je sors le matos pour épiler. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Le French Test sur Skyrock. Le French Test, ça veut dire qu'on débarque en France tout de suite. Et on va chez Olivier. Juste avant l'horoscope de l'amour qui arrive, il y a Champ qui nous laisse un message qui nous aimait l'horoscope, il est passé d'Ifool. Non, n'aie pas peur, il arrive. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour madame, comment allez-vous? Oui, je vais bien. C'est une petite surprise, je vous appelle de la part de votre mari qui voulait faire une petite surprise pour vous ce matin. Je vous passe immédiatement votre surprise, ne quittez pas. Bonjour madame. Bonjour. Oui, bonjour, c'est la petite surprise. Votre mari vous a pris rendez-vous avec moi, je suis épilateur. Esthéticien. Eh ben oui, il va falloir couper tout ça. Hein. Parce que sinon cet été il va y avoir un feu de pinette vu les poils qu'il y a. Oh non. La débroussailleuse est prête? Oui, c'est bon, patron. Hop là. J'ai la scie. Si vraiment il y a des poils résistants. N'importe quoi. Hey, beau cadeau de ton chéri. Hein. Génial. Il est génial, t'as bien fait de le choisir, c'est le meilleur. Je viens nettoyer tout ça ce matin. Bah oui. Ah, je suis désolée. C'est pas possible. Ah bah ce soir sinon, moi je suis disponible à tout moment, jour et la nuit. Ouais, mais c'est le secteur privé, désolée. Ah bah secteur privé, vous mettrez un petit slip et puis moi je taille autour. Hein. J'aime pas les slips, je suis désolée. Bah une culotte, un string, vous mettez ce que vous voulez. Ah ouais, d'accord. Bah ça, la ficelle. Allez, on fait ça avec une ficelle. Eh ben, je couperai autour de la ficelle. C'est super. Voilà. En tout cas, quel beau cadeau. Ça fait plaisir aux filles. En plus, c'est pour se préparer pour les vacances. Voilà. Tu pars en vacances, tu fais quoi? Non, je reste à la maison. Tu restes à la maison, bah, tu seras toute belle. T'as mis la débroussailleuse. Je suis désolée, hein. Tu seras toute belle pour ton chéri. Voilà. Eh ben, on te fait un gros bisou. Voilà, merci. Bon, ben, nickel. Moi, j'allume le chalumeau pour brûler tout ça. Allez. D'accord. Ça, c'est pour les finitions, là. Ouais, ouais, parfait. Finition bon. Chalumeau. Ah ben, merci la femme à Didier. À tout à l'heure. Salut à toi. Bisous, hein. Ciao. Je sais pas comment il va être reçu, le mari, quand il va rentrer, mais en tout cas, c'est un beau cadeau qu'il lui a fait, ça lui a fait plaisir. C'est mignon. Bon, bien joué. On est super en entreprise d'épilation, hein. Ouais. Je trouve. Très fort. Allez, pour la suite, c'est parti pour l'horoscope de l'amour. Il arrive dans un instant sur Skyrock. Votre horoscope de l'amour, votre réveil de star et du son pour se réveiller. G-Eazy sur Sky. Niska. Découvre le premier album de Niska avec entre autres des feats de Booba, Maître Gims, SCH, Gradure. Premier album de Niska, disponible partout. Casino. bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Et je suis avec Sonia, sympathique casinomaniaque. Alors Sonia, c'est quoi votre manie? Moi, le café Lavazza Il Mattino, je l'achète uniquement le matin. Bon, c'est vrai que la promo c'est toute la journée, mais quand même, Il Mattino, c'est le matin. Jusqu'au 19 juin, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'un pack de 4 cafés moulus 250 grammes Il Mattino Lavazza, le deuxième est à 0€ au lieu de 5,99€. Casinomania, c'est parti pour un mois de folie. Avec Casino, prenez goût aux économies. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti, l'horoscope de ce jeudi. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Et merci de vous réveiller avec Skyrock. Et notre horoscope de l'amour, la radio du love, c'est Skyrock. La radio du foot aussi, avec peut-être des places à gagner. Je vais peut-être vous donner le top à la fin de l'horoscope, on sait jamais. Ça peut prendre. Avant 9h, il y aura les places. Vous savez, comme je suis, ça peut me prendre à n'importe quel moment. Hein. Comme c'est dirait vrai. Ma mère, comme une envie de pisser. Ouais. Allez, c'est parti, on vous offre votre horoscope tout de suite avec les puissances amoureuses sur une échelle de 0 à 5 pour tous les signes et pour les béliers et les cancers. 5 sur 5 aujourd'hui. Bravo! Votre vie sentimentale va s'emballer aujourd'hui, que vous soyez couple ou célibataire. Du bonheur au programme pour les béliers et les cancers, 5 sur 5. 4, les capricornes et les lions. Vous aimez vous faire désirer? Bah, cette méthode va plutôt bien marcher pour vous aujourd'hui. Bravo les capricornes, bravo les lions. On vous souhaite une belle journée en amour, elle sera belle. Comme toi, dit Foul. Oh, merci, je suis belle aujourd'hui. C'est gentil. Mmh. Les sagittaires et les versos, c'est super aussi pour vous, vous avez 3. Vous vous faites confiance, vous avez raison. Quoi qu'il arrive, en plus, vous prendrez les bonnes décisions aujourd'hui. Vous faites carton plein en amour. Les sagittaires, les versos, 3. 2 sur 5 pour les scorpions et les poissons. Vous vous plaignez aujourd'hui de pas avoir ce que vous voulez en amour, mais vos prétentions sont un petit peu trop élevées. Baissez un peu les prétentions et vous verrez, on est plus heureux comme ça. Sinon, on est déçus. 1 sur 5, les gémeaux et les balances. Un petit peu de stress qui pourra se transformer en énervement aujourd'hui. Keep cool, gérez vos émotions pour passer une meilleure journée. Et pour finir, les vierges et les taureaux, 0 sur 5. Eh ouais, 0 sur 5. Méfiez-vous, il y a des gens qui sont pas aussi gentils que vous et qui risquent d'essayer de vous mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui. Les vierges et les taureaux, les bâtons dans les roues, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon, non. Comme dirait un ami à moi, vaut mieux une bite dans un trou. Mais bon, chacun son truc. Et top inscription, c'est parti. Attention, ça va tourner. Oui, ça va tourner, la roulette va tourner. Skyrock est premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Les places à gagner, c'est pour Allemagne. Irlande du Nord. C'est ça. C'est le match qu'on vous file ce matin. Vous gagnez tous les matchs de l'Euro. Hier, on était sur les huitièmes de finale. Et bien là, c'est parti pour deux places pour Irlande du Nord, Allemagne. Et c'est où? C'est à Paris. C'est le 21 juin à Paris. Et les places, vous les gagnez sur Skyrock maintenant. Pour s'inscrire, comme je vous l'ai dit, c'est simple. Vous envoyez votre prénom, votre numéro de téléphone au 41-759 ou alors sur l'appli Skyrock. C'est gratuit, profitez-en. Vous nous laissez vos prénoms, vos noms, vous faites tourner la roulette et vous allez voir les matchs de l'Euro. Et Irlande du Nord, Allemagne, les Allemands, les favoris avec les Français et les Belges et les Anglais. Une grosse équipe donc. Allez mater. Et ben, bonne chance à vous. On fait tourner juste dans un instant. Le réveil de Star arrive aussi. Je m'appelle G-Eazy, le matin, j'écoute Skyrock. The Morning Show! As I can see, I just need privacy. Plus a whole lot of tricks, but it's modesty. I just need space to do me, get away with what they're trying to see. A Stella Maxwell right beside of me. A Ferrari, I'm buying 3. A closet of Saint Laurent, get what I want when I want. Cause this hunger is driving me, yeah. I just need to be alone. I just need to be at home. Understand what I'm speaking on. If time is money, I need a loan. But regardless, I'll always keep keeping on. Fake friends, we don't take L's, we just make M's. While y'all follow, we just make trends. I'm right back to work when that break ends. Yeah. Ooh, it's just me, myself, and I. Solo ride until I die. Cause I got me for life. Got me for life. Ooh, yeah. I don't need a hand to hold. Even when the night is cold, I got that fire in my soul. And I don't like talking to strangers, so get the f*** off me, I'm anxious. I'm trying to be cool, but I may just go ape, say f*** out of all of y'all faces. It changes though now that I'm famous. Everyone knows how this lifestyle is dangerous, but I love it, the rush is amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers, I'm swimming in money, swimming in liquor, my liver is muddy, but it's all good, I'm still sipping this bubbly, this lovely, this ain't random, I didn't get lucky, made it right here cause I'm sick with it, Cuddy, they all take the money for granted, but don't wanna work for it, tell me now, isn't it funny? Ooh, it's just me, myself, and I, solo ride until I die, cause I got me for life, got me for life. My soul. Sur Skyrock avec Mima Solfonaï. Bonjour Flavie. Bonjour. Flavie, t'habites où ? J'habite à Clessouilly dans le 77. Très bien, tu représentes le 77. Là, vous êtes gâté le 77. Bon, je parle pas de la pluie. Hein. Ouais. Je parle de Skyrock. Vous avez gagné 1500 euros cette semaine. On a offert 1500 euros dans le 77. C'est à Damarie Lélie, c'est Ludo qui a gagné. Et toi, d'accord. Flavie, t'arrives pour tes places de foot ? Tout à fait. Et ouais, tu vas aller voir Irlande du Nord, Allemagne, t'as bien raison. Les places sont à gagner maintenant. Je croise les doigts pour toi, Flavie. On fait tourner la roulette. Skyrock et le Crédit Agricole t'offrent 200 places pour l'Euro 2016. Eh ouais, 200 places pour l'Euro, c'est pour toi, Flavie. Il y en a deux pour toi, j'espère. On croise les doigts, comme je le disais. On lance surtout la roulette. Toi, tu arrêtes quand tu veux. Elle tourne. Stop. Stop. Et elle va s'arrêter. Est-ce que tu vas aller voir le match de ce morning? Mais oui, Irlande du Nord, Allemagne, c'est gagné. Bravo. Génial. Bien génial, joué. Merci. Merci beaucoup. Deux places super. Pour toi. Tu ramènes qui avec toi? Ah bah mon copain, il va être super content. Et voilà, en amoureux, c'est super. Ça va être exactement. Mignon. En plus, le jour de la fête de la musique, le match derrière la fête. Ouais, c'est bien super ça. Match, fête de la musique derrière, une super soirée. Belle soirée, oui. Offerte par Skyrock et le Crédit Agricole. Bravo Flavie. Super, merci beaucoup. Tu fais merci à bouffer beaucoup. Tu fais à bouffer à la maison, c'est toi ou c'est ton chéri qui fait à manger? Si j'attends que ce soit lui, je pense que je peux attendre longtemps. Ah, tu meurs de faim. Oui. Voilà, voilà, c'est ça. Je vais te présenter un grand cuisinier. Dis-moi si tu le reconnais. Écoute bien, c'est lui. Il va te dire bonjour. Bonjour. C'est qui? Lignac. Bien joué. Ouais. Ah, Cyril Lignac, oui, il était hier soir à la télé. Quelque chose encore ou pas? Non, ça suffit. Cyril Lignac peut te faire un gratin dauphinois si tu le souhaites. Non, ça va aller ce matin. Non, pas de gratin dauphinois au réveil. Cyril Lignac pour le réveil de Star. On te fait un gros bisou, Flavie. Bravo pour tes places. Gros bisous. Salut Flavie. Ciao. Le réveil de Star. Une star, un appel. On écoute. Eh oui, Cyril Lignac va réveiller les familles de France. C'est l'heure de réveiller, ce coup-ci, la famille de... C'est qui? Jonathan, Lionel, Jonathan. Alors, attention. Alors Jonathan, non? Alors, plouf, Jonathan, Lionel. Eh bien, allez, je vais dire Jonathan, allez, c'est parti. On a réveillé Jonathan. C'est parti pour Jonathan. C'est parti, il va se faire réveiller par Cyril Lignac, grand cuisinier de M6. Veuillez décliner votre identité. Oula. Non. Veuillez décliner votre identité. Oula. Cyril Lignac. Excusez-moi, mais on se fait harceler au téléphone, c'est une catastrophe, j'en peux plus. Donc je vous écoute. Comment ça va? Bon, écoute, vous voulez quoi? C'est pour vendre quoi? Vous m'expliquez ou je raccroche? C'est simple, je vais pas perdre mon temps. Alors, je vais vous demander de revisiter le célèbre gâteau au chocolat. Ah. Ouais, bon, vous, tu tournes ma gueule là, mec. La seule chose que je veux, c'est du chocolat à l'intérieur. Bon, tu veux un gâteau au chocolat? C'est-à-dire, je te fais 4 euros la part du gâteau au chocolat. Tu le veux pour quand, le gâteau? T'as beurré le moule, là? Bon, c'est quoi ton problème? Concrètement, mon projet aujourd'hui, c'est de mettre toute une ville à la cuisine. Ok. On va apprendre à cuisiner tes légumes. On va faire ça à moins d'une heure. Ça vous plaît? Ouais. Ouais, je crois que toi, t'es pas sorti du collège, à mon avis. Ouais, j'ai pas entendu. Ça vous plaît? Ouais. Non, je vois pas le projet, là tu te fous de ma gueule en fait. Ça veut dire en fait que on va pas y arriver. Ça veut dire qu'on va pas le faire. Ça veut dire que je peux pas compter sur toi. Non, c'est clair. J'ai autre chose à foutre que de faire cuire des légumes, excuse-moi. Tu peux monter ton projet avec d'autres. Hein. On est bien d'accord, non mais parce qu'au bout d'un moment aussi, moi je pète les plombs. Moi aussi je fais péter les plombs, d'accord? Parce que moi je me mets plein cul pour vous. Bah non, mais tu me dis même pas quitter. Non mais c'est quoi le délire là? Cyril Lignac. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Si. C'est quelqu'un?

train va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond, je m'en fous. Sur Skyrock, c'est parti pour les infos là tout de suite. C'est le morning de Difool. Morning show. En direct et jusqu'à 9h sur Skyrock. Et vos 1 500 € juste derrière. Du son pour se réveiller, on se balance le gros son de designer rap US, s'appelle Panda, ça cartonne aux States et sur Skyrock. Ouais. Ça arrive tout de suite, il y aura du Usher, tiens, ça va nous rappeler des trucs à écouter tout à l'heure. Et puis de l'argent à gagner, vos 1 500 €, je vous l'ai dit, mais d'abord votre météo, il est 8h04. Désolé du petit retard, je m'excuse de la part de Rémi, hein, de la rédaction de Skyrock. Toutes les excuses de Rémi. Et la météo de Rémi aussi alors? Eh ben ouais, et puis bah la météo elle est belle aujourd'hui, donc je me fais pardonner, voilà. C'est bien. Et il fait beau quasiment partout. Bon, on a quelques averses ce matin en Alsace, des orages aussi prévus cet après-midi sur la Corse et les Alpes du Sud, mais globalement le soleil sera bien présent. Les températures ce matin, 10 degrés à Reims, 11 à Lille, 12 à Rouen, 13 à Paris, à Auxerre, 14 au Mans, 15 à Lyon, 16 à Bordeaux et 19 à Marseille. Au meilleur de la journée, il fera de 19 à 31, 19 au Havre, 22 à Beauvais, 23 à Saint-Étienne, 24 à Paris, 26 à Marseille et 31 dans les arènes de Nîmes. La pollution pas terrible, les indices sont compris entre 3 et 5, 5 à Paris, Reims, Orléans, Bordeaux, Pau, Perpignan, Montpellier, Marseille, Lyon et Mulhouse. On parlera sport dans un instant, Laurent Blanc au PSG, fini, pas fini, mais on en reparle tout de suite après les infos. Bienvenue en France, c'est la une du Parisien ce matin avec des drapeaux, des beaux drapeaux, non pas celui, non pas ceux des pays qui jouent l'euro, mais ceux de la CGT qui continue d'appeler à plusieurs mobilisations. Opération coup de poing ce matin au marché international de Rungis, le Mine, en région parisienne. Près de 300 manifestants sont rassemblés aux abords donc de ce marché. Bloc 1 des accès sur 4, la circulation est légèrement perturbée. C'est toujours la loi travail qui est au cœur des protestations. La guerre des poubelles, après le carburant qui a failli nous mettre en panne, eh bien ce sont les ordures qui s'entassent de plus en plus. Cela fait plusieurs jours que les éboueurs sont en grève. La CGT appelle au blocage des 3 sites parisiens et de celui de Fos-sur-Mer qui traite les ordures de Marseille. La cité phocéenne déborde, tout comme un arrondissement parisien sur 2. En plus des tracas d'odeurs, eh bien ça risque de poser de véritables problèmes sanitaires. Les rats pourraient remonter des égouts pour s'offrir de véritables festins. Ça n'arrivera pas à Saint-Étienne où la situation a été débloquée. 9e jour de grève à la SNCF, toujours pas d'avancée concernant le temps de travail des cheminots. Le mouvement continue aujourd'hui. 80% des TGV vont circuler, prévoyez un transilien et un intercité sur 2 et 6 TER sur 10. 63 000 faillites d'entreprises par an, c'est Arnaud Montebourg qui avance ce chiffre ce matin. L'ex-ministre de l'économie affirme que c'est 20 000 de plus qu'avant la crise de 2008. La bonne nouvelle du jour, eh bien, c'est que les créations d'emplois sont au plus haut depuis 8 ans. C'est Le Monde qui l'annonce là ce matin aussi. Le sport. Ouais. Laurent Blanc au PSG, fini, pas fini? Ah bah normalement c'est fini, hein. Ah. Il aurait fait ses adieux aux joueurs et surtout à sa direction. En tout cas là je pars de Unai Emery qui se rapproche encore un peu plus du Paris Saint-Germain. Rien d'officiel, hein, mais le technicien basque qui entraîne, enfin qui entraînait, hein, au choix, le FC Séville aurait reçu une proposition de 3 ans de contrat à 5 millions d'euros par saison. On attend désormais l'annonce du PSG, peut-être dans quelques heures ou quelques jours. Et puis un résultat à vous donner, le Portugal de Ronaldo a fait le plein de confiance hier soir. Dernier match de préparation et victoire 7-0 contre l'Estonie. Et deux buts de Ronaldo. Eh ouais. Bravo Ronaldo, bravo Cristiano. Et on a apprenné il y a une heure grâce à toi, Rémi, que c'était le sportif le mieux payé au monde. Exact, 88 millions de dollars. C'est ça. Et il est heureux, Cristiano. Ah bah tu m'étonnes. Bon, bah bon euro à Cristiano aussi. Mais pas trop, hein. Faut que la France gagne, je vous le rappelle. Voilà, ouais. Merci Rémi, il est 8h07 sur Skyrock. Aujourd'hui, c'est déjà jeudi. Et c'est le morning de Difool. Morning show. En direct sur Skyrock. Tiens, en parlant de foot, on a offert les places Crédit Agricole ce matin. Les places pour l'euro, elles sont tombées chez Flavie tout à l'heure. Elle ira voir Irlande du Nord, Allemagne. Avec son chéri. Et avec son chéri, c'est mignon. Des places à gagner. Restez bien sur Skyrock. C'est toute la journée. Jusqu'à la radio libre de ce soir avec toute l'équipe de Sky. Vous gagnez vos places pour l'euro 2016. Et en parlant d'euro, moi, je vais faire un conseil pas cher. Euro. Mais comment, le business de l'euro, bah autant en profiter, autant se servir, hein. Ouais, on va y avoir droit dans un instant. On va parler d'un problème qui va se dérouler. C'est sorti hier ou avant-hier, et Marseille, attention, hein. Et sa gueule. Les gens sont pas contents. Tu vas leur donner la parole, Romain. Ouais. Et on en profite en gagnant de l'argent que vous allez pouvoir gagner maintenant. C'est pour les 1 500 euros. Il y a une heure, ça tombait à Monistrol-sur-Loire chez Stéphanie et Cédric. Ils ont gagné. Ouais. C'est dans le 43. Ben on va peut-être aller chez vous maintenant. 1 500 euros à gagner. Le jeu des 1 500 euros. C'est 1 500 euros cash à gagner si tu réponds Skyrock. 1 500 euros pour vous. Il suffit de répondre Skyrock. Je te donne l'enveloppe, Romano. Il faut l'ouvrir. Ouais. Hop là. Alors attention, c'est parti. Ouverture de l'enveloppe. Exactement. Je ne peux toujours pas ouvrir d'enveloppe. J'ai toujours qu'un bras. Je tiens quand même à vous le dire, même si je me plains en silence. Voilà. Bah écoute, continue de te plaindre en silence. Je vous ai dit que j'allais à l'hôpital tout à l'heure. Oui. On va se faire opérer. Tu vois. Ouais, du bras. Ouais, si il lui enlève. Ouais. Bon, en attendant, nous on va aller faire gagner 1 500 euros. En tout cas, on va essayer du côté de Béziers. Ah. Chez Vanessa Massol. Vanessa Massol, 1500 euros à gagner. Alors attention. Vanessa et la famille. Oui. Bonne chance, Vanessa. Je veux une tasse. Ah, mais c'est Doc Gynéco, ça. C'est une vieille chanson de Doc Gynéco, oui. Je veux une tasse. C'est quand il savait chanter. Vanessa. À l'époque. À l'époque. Vanessa Béziers, quatrième sonnerie, je crois. Ouais, là on arrive au bout, hein. Et la cinquième. Ah bah voilà. Désolé pour Vanessa. Il n'y aura pas Skyrock sur le répondeur. Et non, laissez Skyrock sur le répondeur. Vous pouvez vous aussi gagner 1 500 euros. Désolé pour Vanessa, 1 500 euros à gagner dans moins du. Ah non, dans moins d'une heure. Ah bah non. Non. Bah en tout cas, quand on vous appelle, vous répondez Skyrock. C'est comme ça que ça marche. On vous demande quelle est votre radio préférée. C'est nous, Skyrock. 1 500 euros à gagner. C'est le morning de Difool. The morning show. En direct, c'est jusqu'à 9h sur Skyrock. Ah, et le panda de designer. C'est le son de designer qu'on écoute tout de suite. Ça déchire, ça. Juste avant, vos conseils pas chers. Ouais. The lean, the family, credit cards and the scams, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out for granted, then the bullet you banned, hope the killers understand, I got broads in Atlanta, twisted the lean, the family, credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, family, way see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family, way see, panda. Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then they pull up your band. Hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted up leaning street, sipping fan. Credit cards and the scams, wake up beside you, shoot, let it sign. Over to Lady Shoot, they be answering rent, I know we clapping shoot. I be pulling us up in the finest shoot. I got plenty just up with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, Phantom, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas. For feelings, I feel it, pull up in the finest, no niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas, this count for digits, say you make you a lot in the money. No some killers, pull up in the end of baby, CTD. We pull off any killer, baby. Call a Philip, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby be trending. Chop the dawn, doing business in the rape, doing the fooling, doing the feeling. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas be Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, twisted to lean the fan. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your band. Hope the killers understand me. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Et ouais, seulement sur Skyrock, le son de Designer. On écoutait Panda, gros son US qu'on adore, ça réveille ça. Dans un instant, Usher qui va nous rappeler des souvenirs avec DJ Goloss Falling in Love. Ouais. C'est super ça, vous allez voir ça à la pêche. Et tout de suite, ce qui met en émeu la cité phocéenne, ce qui met en émeu les barmans de Marseille. Tu vas nous en parler, Romano. Attention, attention, le coup de gueule des Marseillais ce matin. Ah, attention, scandale. Hey, scandale. Ouais, voilà, scandale. Hey, c'est une honte. Eh oui. Alors attention, explique-nous tout. Bah, en gros, là, il y a un truc qui est sorti, c'est la mairie de Marseille qui a mis ça en place. À cause, soi-disant, de l'état d'urgence. En fait, ils interdisent aux bars marseillais d'installer des télés sur les terrasses pour que les gens puissent regarder les matchs. Parce que ça va faire des attroupements, tout ça, et ils ont peur. Oui, alors, il y a des mecs qui ont investi 10 000 euros dans des écrans géants, dans des rétroprojecteurs, tout ça. Et hop là. Dans le cululu. Et donc, ils sont énervés, les barman de Marseille. On les comprend. Ah ouais, hein. Ouais. Ah, on n'est pas content. Ah, on n'est pas content. On a acheté des télés. Hein. On peut même pas les mettre. Oui. Donc les Marseillais ne pourront pas regarder les matchs sur les terrasses des cafés. Et donc toi ce matin, Romano, ça t'a donné une idée. Tu vas donc aider les bars marseillais. Mais comment? Eh bien, je vais leur dire. On peut mettre. Je vais dire que je fais partie de la mairie. Ouais. Et qu'on a réfléchi pendant la nuit et qu'on a mis un nouveau système en place. Droit de mettre la télé. Par contre, il y a une taxe à payer. Ah donc c'est comme ça que tu leur rends service en leur faisant payer une taxe supplémentaire. C'est 1000 euros. Ah ouais quand même. Ah bah oui mais bon derrière ils vont faire de l'argent, il va y avoir plein de monde, desservir des verres. Ouais moi je trouve ça con ça. Plutôt que de faire des fan zones, c'est plus sympa de regarder ça dans un bar avec des potes. C'est vrai, non, mais c'est ouais. Pour ça en plus ils gueulent, ils disent ouais vous faites des fan zones, pourquoi nous on n'aurait pas le droit d'avoir des gens qui regardent le match. Eh bien on vous soutient les Marseillais. Allez l'OM. On vous soutient et on va vous passer une petite dédicace de la part de tiens ah bah tiens ils sont là avec nous là c'est Lucas et Marquinhos. Champion mon frère. Champion mon frère. Allez direction les bars. Romano a son truc à lui pour lutter contre la crise. Les conseils pas chers sur Skyrock. Ouais allez les bars de Marseille où est-ce qu'on allez, va au bar des sports. Le bar ah bah, ça tombe bien le bar des sports de Marseille. Et ça c'est qu'à Marseille donc pour le moment. Pour l'instant c'est qu'à Marseille. Content tiens vous êtes gâtés les Marseillais les bars. Ouais, pas de chance. Ouais. Je te dis, moi j'ai vu l'interview d'un mec, le mec avait investi 10 000 euros. Allô ? Oui, bonjour, le Café des Sports ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je travaille pour la mairie de Marseille, vous savez, à propos des télévisions là. Vous savez, les écrans que vous n'avez pas le droit de mettre sur les terrasses. Les écrans ? Oui, mais... oui, eh ben c'est bon, on a réfléchi cette nuit là. Et on a une proposition à vous faire, vous pouvez mettre la télé, par contre oh, c'est. Oh putain, mais qu'est-ce que tu vas te faire enculer, hein ? Te faire enculer, hein ? Ah, la mairie a mauvaise image. La mairie a mauvaise image, elle va te faire enculer. Ah, une espèce de cogne de mairie de la Marseille. Ah, oui, c'est une con, saloperie, j'ai. Ah, je vais t'encadrer. On va te faire enculer. Bon, on y va. Eh bien, la mairie est bien accueillie. Je trouve que les insultes avec l'accent marseillais, ça passe mieux. Ouais ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, je suis bien au café ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je travaille à la mairie de Marseille, vous savez, à propos des écrans là pour mettre sur les terrasses pour les pour l'Euro 2016. Oui. Oui, vous comptiez mettre un écran, vous ? Écoutez, là, moi, je pas, il n'y a pas le patron. Ah, parce qu'en fait, je vous explique. Bon, on donne l'autorisation, par contre, il y a une taxe de 1000 euros à régler. Comment on fait ? Ah, moi, je sais pas. Je peux pas prendre de décision. Il faut rappeler quand il y aura le patron, c'est-à-dire vers 10h, 10h30. Ouais, mais ce que tu peux faire, tu prends 1000 euros dans la caisse. Ouais, voilà, ouais. Niveau du connu. Tu dis ça au patron, ça lui ferait une belle surprise, il pourra mettre des écrans partout. Ah, il peut en mettre, mais tout ce qu'il veut après. Hein. Oui. Ouais, c'est voilà. 1000 euros par écran, quoi. Ça va. Et vous me renvoyez un chèque? Non. Non, non. Non, ça, c'est pas prévu, non. Non, non, ça, je... Toi, tu veux faire un petit business. Tu voles 1000 euros dans la caisse du patron et on t'enfile la moitié. Que... Bon, ça peut marcher. Bon, on peut s'arranger. Écoute, je passe te voir au... le patron arrive vers 10h, 10h30. On passe avant. Je vais passer avant qu'il arrive. On va voir ça ensemble. Mmh. Ah, ma chérie, on va s'arranger. Autour d'un pastaga, on va s'arranger. Allez, y a pas de soucis. Eh ben, j'arrive, à tout à l'heure. Allez, bien joué. Et allez, loin, bah. Et allez, loin, bah. Allez, loin, bah. Allez, loin, bah. Allez, champion, allez. Mon frère. Champion, mon frère. Eh ben merci le bar. Eh ben merci à toi. Bah bien joué Bruno. Eh ben ça y est, c'est réglé. Eh ben voilà, il suffit d'un petit peu de bonne volonté et les problèmes trouvent toujours une solution. C'est vrai. Une taxe, c'est ça passe. Il y a pas de problème, il y a des solutions et il y a des conseils pas chers tous les matins à 7h10 et à 8h10. Usher, Usher à 8h17, c'est yeah. Usher et DJ Godas Falling in Love. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby tonight. It's a movie and you just TiVo. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Never, never do make a bedrock. Mommy on fire, psst, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and you, darling. Thank you DJ. DJ Godas Falling in Love Again. On écoute Usher sur Skyrock. Il est 8h20 pile. Et ben c'est l'heure de jouer ensemble. On va jouer au chronotune. Vous voulez gagner 300 euros. Ça se passe comme ça dans le morning. Vous vous réveillez avec un chèque de 300 euros en poche. Oui. C'est le chèque qu'on va mettre en jeu. Et la question de sélection que je vais vous poser, c'est pour jouer avec nous. 41-759, les SMS. L'appli Skyrock pour nous envoyer vos réponses. Et la question que je vous pose, je sens qu'on va gagner l'euro, moi. Je le sens, on est soutenu par le monde entier. Et on est soutenu par un rappeur américain. Il y a un rappeur américain qui a posé hier sur Insta, sur Instagram, avec le maillot d'un joueur de l'équipe de France. Pogba. Mais quel est le rappeur

Thibaut qui porte un short de bain Andaya de tribord. Oui, et qui n'arrive pas à réaliser un 360, une figure difficile. Mais heureusement, il va pouvoir s'entraîner tout l'été avec son short 100% polyester, très résistant à l'eau de mer. Et pourquoi pas impressionner les filles? Oui, pourquoi pas, mais... Chez Decathlon, du 18 mai au 18 juin, préparez l'été avec le short de bain Andaya de tribord à 3,99€ seulement. Decathlon, à fond la forme, voire conditions en magasin et sur decathlon.fr. Intermarché réinvente la fidélité. Vous en donnez plus? On ne pouvait pas faire moins. Oui, tous les jours, 10% en avantage carte sur deux de nos marques producteurs commerçants. Ce mois-ci, les marques Monique Ranou et Paquito. 10% en plus pour mieux récompenser votre fidélité? C'est aussi ça, être producteur commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Offre soumise à conditions, voire conditions complètes à l'accueil de votre magasin et sur intermarché.com. Allez, 8h27, le chronotune juste avant Justin Timberlake. En direct de l'appart, c'est le morning de Diffoul sur Skyrock. 6h-9h tous les matins. Et on a Jonathan avec nous dans le 83 en direct de la Seyne-sur-Mer, juste à côté de Toulon. Salut Jonathan. Salut l'équipe. Salut à toi. Salut. Salut. La réponse à la question que je vous posais juste avant les pubs là. Un rappeur d'Amérique du Nord nous soutient et ça c'est bien. Il a mis le t-shirt, le maillot de Paul Pogba. Je sens qu'on va gagner 7 euros. Comment tu le sens toi Jonathan? Ah c'est sûr on le gagne. Ah ça c'est sûr, hein, c'est vrai, c'est sûr. Ah ouais, ça sent la victoire. Ah ouais, les bleus. C'est sûr, oui Romano. Putain, j'espère qu'on va gagner demain soir. Ouais. Ouais. Ça serait con. Hein. Premier match, on va se prendre à 2-0 par la Roumanie. Ah non. Direct. Ah non. On reste à l'hôtel. Non, on est champion mon frère, hein, je vous le rappelle. Bon, Jonathan, rappeur d'Amérique du Nord. Ah, il vient de Toronto, et c'est Drake. Eh oui, c'est Drake. C'est pour ça que je disais qu'il n'était pas américain, enfin américain du Nord, mais pas des États-Unis, il est canadien. On l'écoute beaucoup sur Skyrock, il y a plein de titres qui tournent et on l'aime bien en plus. Drake qui adore Paul Pogba, il va promener son chien avec Pogba écrit derrière. Oh, c'est mignon. Le maillot de la Juve. Eh bien, on a Paul Pogba qui est soutenu par Drake. Je le sens, cet euro, je le sens. Ah ouais, ça y est, c'est bon. Et toi, bravo Jonathan, tu es qualifié pour garder tes 300 euros. Va jouer au chronotune tout de suite. Le chronotune. Sois plus rapide que le chrono et empoche la thune. Tu connais le principe, Jonathan? Ouais, je pose les questions, il faut que je réponde. Alors, on le rappelle pour tous les nouveaux qui nous rejoignent tous les matins. Bon, t'es à 300 euros en stock et chaque seconde, on enlève 10 euros. Donc, c'est pas les secondes à Romano. Si, c'est lui qui tient le chrono. Ah, c'est moi qui tiens le chrono. Mort, alors. C'est une question super facile pour toi. Alors, attention. Bon. Question de rapidité. Allez, cite-moi 5 joueurs de l'équipe de France de foot top chrono. À Pogba, Ribéry. Pogba, Giroud. Sako, ouais, Varane, non. 4, pas Sako, 4, non, pas Sako, Mandanda Loris, là c'est bon, 3, 2, 5, Mandanda, 5, Loris, c'est bon, stop. Alors, en enlevant ceux qui iront pas, on a les 5, et au bout de combien de secondes? Eh ben, il reste 18 secondes, 180 euros, ah bah, super, bip, bip. Super Jonathan, 180 euros pour toi. Eh ben c'est nickel, merci bien l'équipe. Eh ben bien joué Jonathan, on va t'envoyer ça à la Seyne-sur-Mer. Il fait quel temps du côté de Toulon ce matin? Ah, il fait très beau, là vous voyez je suis dans la voiture, il fait 20 degrés. Oh super, profite bon. Bien, 20 degrés, 180 euros sur ton compte en banque en plus. C'est les chiffres qui font parfait. Rêver ce matin. Ah c'est bon, c'est ça. Toujours ça de prix. Eh ben bravo à toi. Toujours ça de prix. Tu vas bosser ce matin Jonathan? Oh non. Oh certainement pas. On est dans le sud. Oh non. C'est exactement ça. Bon bravo en tout cas. Un petit Justin Timberlake pour se réveiller, pour aller taffer, pour vous accompagner dans les bouchons. Et puis un chèque de 180 euros pour toi. Mais c'est pas fini pour les cadeaux hein. On en a encore pour vous sur Skyrock. Salut John. Allez. Salut. Dédicace à toute l'équipe. Merci. Inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally, come on, like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere. Just dance, dance, dance. I can't stop. feeling. Super Justin Timberlake, découverte Skyrock, c'était Can't Stop the Feeling, il est 8h32, bonne journée à vous, on va vous offrir Disneyland Paris dans un instant, je vous ai promis encore des cadeaux sur Skyrock, les places de foot, c'est tombé tout à l'heure chez Flavie, on fait un gros bisou Flavie, c'est pas fini, il y en aura d'autres, hein, toute la journée à gagner sur Sky, mais Disney, c'est juste après les infos de Rémi, on va fêter un truc, tiens, bon, je vous en reparle dans deux minutes, hein. Le temps de faire le tour de l'actu avec l'euro à l'honneur à Rémi, ça y est, J-1, c'est pour demain. Et puis avec toute l'actu et le soleil qui est de retour. Enfin, j'ai envie de dire. Un petit peu pour tout le monde. Il y en a qui ont gardé le soleil, mais il y en a qui n'en avaient plus. Eh bien, voici des nouvelles du soleil. Rémi est parti à sa recherche ce matin. Où est-il ? Et je l'ai trouvé, puisqu'il est quasiment partout, donc ça n'a pas été trop compliqué. Bon, on a quand même quelques averses en Alsace ce matin. Et puis des orages prévus cet après-midi sur la Corse et les Alpes du Sud. Mais globalement, voilà, le soleil sera au rendez-vous pour aujourd'hui, puis même jusqu'à la fin de la semaine d'ailleurs. En tout cas pour demain. Les températures ce matin dans le nord comprises entre 10 et 14 degrés, on a 11 à Lille et 13 à Paris, de 14 à 21 dans le sud, 15 à Lyon et 19 à Marseille. Dans l'après-midi, il fera 17 à Dunkerque, 20 à Caen et à Lille, 22 à Rouen, 23 à Metz, 24 à Blois et à Paris, 26 à Marseille et à Lyon, 27 à Tarbes, 28 à Toulouse et 30 à Perpignan. La pollution, c'est pas terrible encore aujourd'hui. Les indices sont compris entre 3 et 5. 5 à Paris, Reims, Orléans, Bordeaux, Pau, Perpignan, Montpellier, Marseille, Lyon ou encore Mulhouse. Tu vois, quand tu nous donnes des nouvelles comme ça, on a envie de te faire une bise. Ah, je délègue pas non plus. Je délègue Romano pour t'embrasser, parce que moi je rappelle que j'ai une tendinite, je peux plus me déplacer. Ouais, je t'ai embrassé sur la bouche à la fin. Viens me faire un petit bisou. Allez, les infos, on démarre par le sport et l'euro, hein. Eh ben oui, cette fois-ci, le doute n'est plus permis. L'Euro commence dans 24 heures et Didier Deschamps a son équipe qui affrontera la Roumanie. C'est bien Dimitri Payet qui sera titularisé en attaque avec Giroud et Griezmann dans un 4-3-3 habituel. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, normalement, a gagné sa place en sentinelle devant la défense avec Blaise Matuidi sur sa gauche et Paul Pogba sur sa droite. La défense devrait être la même que contre l'Écosse avec une charnière centrale composée d'Adil Rami et de Laurent Koscielny. Enfin, sur les côtés, Bakary Sagna et Patrice Evra seront normalement titulaires. Reste plus qu'à attendre la compo officielle du sélectionneur. Le match sera à suivre en direct dès 21h dans la radio libre. Et puis le reste du sport à la fin des infos avec le sportif le mieux payé de la planète. Le compte à rebours a commencé, la fête de l'euro arrive, enfin, après des mois d'attente, reste maintenant à débloquer la France. C'est mal parti. Oui, H-24, c'est ce matin que le marché international de Rungis est bloqué par des manifestants. Du côté des rails, 9e jour de grève à la SNCF, mouvement reconduit par les cheminots. 80% des TGV devraient circuler aujourd'hui. Vous devez savoir également que la menace plane toujours chez Air France pour ce week-end à partir de samedi. Autre problème, les centres de déchets. Cela fait plusieurs jours que les éboueurs sont en grève. La CGT appelle au blocage des trois sites parisiens et de celui de Fos-sur-Mer qui traite les ordures de Marseille. Ça commence sérieusement à se voir dans la cité phocéenne, mais aussi dans un arrondissement en moyenne sur deux à Paris. Les riverains craignent désormais les odeurs, hein, les odeurs qui pourraient devenir pestilentielles, surtout avec la chaleur dans ce moment. La situation en revanche était débloquée à Saint-Étienne, mais le mouvement pourrait s'étendre à nouveau. 10 heures de questions-réponses. Monseigneur Barbarin a été entendu toute la journée hier par la police de Lyon. Le cardinal est accusé de non-dénonciation d'actes pédophiles. Il était sous le régime de la simple audition et donc a pu sortir libre en début de soirée. Et son avocat a simplement dit qu'il était fatigué. Nicolas Sarkozy qui reprend son thème favori, à savoir l'identité nationale. Le président des Républicains s'est rendu dans le Nord hier soir. Il a martelé que la France a des racines chrétiennes et qu'elles doivent être respectées. Des meetings qui s'enchaînent alors que l'ex-président ne s'est pas encore déclaré candidat aux primaires. Il l'a dit pas avant la fin de l'été. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer le coût de l'organisation payée par le parti. Une enquête a été ouverte par la haute autorité de la primaire. C'est marrant, il est tout petit, il est radin, il me fait penser à quelqu'un. Mais bon, on fait le poids sur le sport. J'entends plus. Excuse-moi Romano. On parle de Ronaldo qui devient le sportif le mieux payé du monde. Eh oui, le boxeur Floyd Mayweather était l'an dernier le sportif le mieux payé de la planète. Eh bien, il n'est que 16e cette année. Bon, c'est normal. Il a arrêté sa carrière. En tout cas, il a pris sa retraite. C'est Forbes qui sort le dossier tous les ans. Et cette fois-ci, le premier s'appelle Cristiano Ronaldo. Le Portugais a cumulé 88 millions de dollars sur les 12 derniers mois. Si on compte son salaire au Real, hein, mais aussi ses contrats pub. C'est un peu mieux que Messi qui pointe deuxième avec 81 millions. Le basketteur américain LeBron James est troisième. Il complète le podium avec 67 millions. La première femme, c'est la tenniswoman américaine Serena Williams, elle est au 40e rang. Par contre, aucun Français qui figure dans le top 100. Voilà. Ouais. L'équipe de France féminine de basket, toujours en préparation pour se qualifier pour les JO de Rio. Elles ont dominé la Chine hier en match amical. Après une défaite contre le Canada, score final 56-43. Le tournoi de qualification débute lundi à Nantes. Allez les bleus, allez les filles. Ouais. Et allez les bleus, allez les garçons. Ah bah surtout, ouais, demain. Et allez les bleus, allez tout le monde. Et demain, on a un bleu supplémentaire qui débarque dans l'émission. Caquette, le chien de Romano et de Cariole, sera notre pronostiqueur officiel. Je l'ai entraîné, je l'ai interrogé. Il s'y connaît. Hein. Il s'y connaît, il a grave révisé son euro. Demain matin, on fait les pronostics de l'euro pour le match France-Roumanie de l'équipe de France. À ne pas louper, ce sera entre 6h et 9h, évidemment, dans le morning sur Skyrock. Oui. Et à 8h37, on va jouer ensemble. C'est l'organe de Disney, tiens. En direct de la part, c'est le morning de Default sur Skyrock. The morning show. 6h, 9h, tous les matins. Et on va mettre une partie du corps à l'honneur aujourd'hui, puisque c'est la journée mondiale de... Je vous dirai dans un instant. Et quelle est la partie du corps que les Français trouvent la moins sexy? C'est la question que je vous pose. Vous voulez gagner Disneyland Paris pendant tout un week-end? Ouais, tout compris. Hein. Tout compris. Les deux parcs, tout, l'hôtel, tout, la pension complète, all inclusive. All inclusive. Vous serez reçu à Disney. Tout un week-end pour vous et la personne de votre choix. Par Mickey en personne. Oh, waouh. Eh ouais. C'est VIP ça. Ah oui. Donc vous nous dites quelle est la partie du corps la moins sexy pour les Français. C'est un sondage qui a été fait. Vous nous laissez ça au 41 759 ou sur l'appli Skyrock. On vous retrouve en direct et on reparle de cette journée mondiale de... Et on vous dit tout dans un instant. Le réveil de star. Ah, tout à l'heure c'était super. Cyril Lignac a réveillé la famille de Jonathan. La femme de Jonathan était magnifique. J'espère que ce sera aussi bien dans un petit quart d'heure. Eh ben on attend ça. Aux alentours de 8h50, on retrouvera notre réveil du star du jour. Les stars réveillent les familles de France. Seulement sur Skyrock, c'est super. Et puis l'horoscope arrive. Et puis le son. On vous avait promis Mike Posner. Eh ben il est là. Eh ben il nous amène à Ibiza. C'est fou hein. Le morning, on voyage. Gratuit, pas cher. On gagne des cadeaux. On gagne Disney. On gagne l'euro. On gagne des 1 500 euros. Et on écoute du bon son aussi. C'est parti, I took a pill in Ibiza. C'est le morning de Default. The morning show, 6h-9h sur Skyrock. I took a pill in Ibiza. To show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older. But fuck it, it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul. Sad souls, darling. All I know are sad souls. Sad souls. Shot. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. We'll be right back. c'est Mike Posner. I took a pill in Ibiza. Et attention, on file à Disney maintenant. Disneyland Paris a gagné à n'importe quel moment du morning. On peut vous envoyer à Disney. On a les plus gros parcs d'attractions qu'on vous offre. Et on va filer à Strasbourg avec un nouvel auditeur de Skyrock qui s'appelle Romain. Et oui, on est aimé à Strasbourg depuis 2 mois. Les Strasbourgeois, on est très contents d'être avec vous. Ah bah, depuis le temps qu'on attendait ça. Et ouais, bienvenue Romain. Ouais, depuis le temps qu'on vous attend à Strasbourg aussi. Eh, je sais. Ah bah, ça y est, on est arrivé. Salut tout le monde. Eh, salut, salut à toi, Romain. Salut Romain. Bon, content d'écouter Skyrock. Ah bah, j'écoute tous les matins depuis qu'on capte Skyrock chez nous, quoi. Eh bah, ouais. Avant, t'avais le choix entre BFM, Nostalgie. Ouais. Wow. C'était un peu difficile. Ouais, ouais. Ça y est, Skyrock est arrivé. 96 FM du côté de Strasbourg. Ouais, c'est ça. Bon, alors. Ah bah, en plus, tu vas gagner un cadeau, toi, puisque t'étais le premier à nous laisser la bonne réponse. On parle de la partie du corps la moins sexy pour les Français. Je dirais que c'est les pieds. C'est les pieds. Bah, moi, je suis d'accord avec eux. Oui, moi aussi. Ah, c'est pas l'endroit le plus sexy. En plus, ouais. Ah, bah, c'est surtout chez toi, Cédric. Non, moi, ça va. Ah, non, Cédric. Profite de cette journée mondiale de la santé du pied. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé du pied. Eh ouais. Et ouais, la santé. Parfois, d'ailleurs, ça sent très fort du pied. Bravo, Romain, en fait. Je t'ai pas dit, mais t'as gagné Disney. Ah oui, bah, oui. Ça y est, Disneyland Paris est à toi. Eh ouais. Merci. Tu vas aller à Disney avec qui tu veux pendant tout un week-end. On t'offre la totale, les deux parcs. T'as tous les repas qui sont compris, du petit déjeuner jusqu'au repas du soir. L'hôtel. L'hôtel aussi. Eh ouais. Ah, c'est génial. J'y étais il y a 20 ans. La première fois que tu y allais, bah, tu retournes avec Sky. C'est bien. Ah oui, ça a changé entre temps, oui. Ouais. Il y a eu quelques nouvelles attractions quand même. On a bien fait de débarquer à Strasbourg, tu vois. Ouais. Bravo. Ah, bravo à toi. T'as déjà eu des problèmes de pied? Écoute, non, pas pour l'instant. Cédric avait un problème de pied, alors. Mais il l'a toujours. Oui, dites-nous, on va lancer un appel pour sauver les pieds de Cédric. Alors, Cédric, tu as témoigné régulièrement dans la radio libre du soir. Âme sensible, s'abstenir, hein, D'ailleurs, je vais changer de musique, du coup. Oui. Alors, attention, Cédric va nous raconter son histoire de pied. Oui. Non, mais ça va mieux, hein, ça y est, j'ai plus de problème. Hein. Alors, raconte quel était ton problème d'ongles. Non, mais quand j'avais les ongles que je laissais pousser, en fait, quand je oui, passais. Oui, parce là... que Cédric laissait pousser des ongles comme des griffes. Non, pas comme des griffes, mais un petit peu. Quand j'avais la flemme de les couper, en fait, en dessous, j'avais une petite patte blanche, tu vois. Patte blanche jaunâtre, tu avais dit. Oui, ça dépend des jours. Mais comment tu peux avoir la flemme de te couper les ongles des pieds? Bon, c'était pour ressembler à un lion. Romano, il avait bien la flemme de se laver les dents. J'avais des grosses griffes. Ouais, mais c'est pas la journée des dents aujourd'hui. Eh ben voilà. Donc, alors, à quoi ça consiste la journée du pied? À quoi ça sert? Parce qu'on s'est quand même posé la question. On s'est dit, putain, il y a un mec, il a inventé la journée mondiale de la santé du pied. Bah, déjà, celui qui l'a inventé, il va avoir les pieds pourris. C'est possible. Pour avoir cette idée-là. Alors, durant cette journée, vous pouvez profiter d'un truc. Les podologues effectuent des diagnostics gratuits de vos pieds. Donc, vous allez montrer vos pieds à des gens. Regardez mes pieds. Regardez mes pieds. Et ils vous font donc un petit diagnostic gratuit. Et dans certains bahuts aussi. Ah bah tiens. Ils vont faire, vous allez vous marrer. Bah, au moins, ça passe une journée à rien foutre. Ouais, ouais, je sais pas s'ils font ça dans votre bahut. Mais en tout cas, c'est la journée mondiale de la santé du pied. Profitez-en. Et si vous savez d'où ça vient la patte jaune de Cédric, vous pouvez nous laisser des messages. Ça serait bien. Si, enfin, faut l'aider. Ah, mais j'ai plus. Est-ce que je pourrais aller lécher des pieds? Ceux de Cédric? Non, pas ceux de Cédric, non. Allez, viens. On peut aller chez les familles, contrôler leurs pieds. On peut faire podologue si tu veux, Romain. Allez. Le French Test sur Skyrock. Alors, on va faire un petit contrôle ce matin. Bon, D-Fool, je te nomme... tu vas sentir les pieds. Oh non. Ah bah non, mais t'es plus équipé avec ton nez. Mais tu sais très bien que dans l'équipe, ceux qui sont des pieds, c'est pas moi, c'est Cédric. Allô? Allô, Jean-Marc. Jean-Marc? Oui, je voudrais savoir qui vous êtes. Eh bien, je me présente. Bonjour Jean-Marc, je suis le docteur, le podologue. Vous savez, le docteur des pieds. Ah mais ça va pas la tête, non? Ah bah si, ça va très bien. La tête, ça va. Moi, je m'occupe pas de la tête, je m'occupe que des pieds, monsieur. Allô? C'est vrai, oui. Jean-Marc! Il n'a pas compris non plus. Jean-Marc! Ah. Ouh! Il est parti, Jean-Marc. Ah, dommage. Et il est con parce que pour une fois, tu fais quelque chose de gratuit dans le morning, c'est vrai. Ouf. Ouais. Romano fait jamais rien de gratuit aujourd'hui, t'es obligé, hein, c'est bénévole. Je vous annonce, je fais un truc gratuit, va tomber de la merde. Allô, Gilles! Allô, Gilou! Oui! Oui, bonjour, comment ça va? Ça va? C'est le docteur à l'appareil, le podologue, c'est la journée du pied aujourd'hui. Et oui. Oui, sûrement, ouais. Oui, donc je vais venir avec mon assistant, là, il va te sentir les pieds pour voir dans quel état ils sont. Oui, d'accord. Ils sont propres ce matin? Oui, ils sont propres. Oui. Ça va, t'as pas les ongles trop longs, t'as pas des ergots? Non, ça va. Non, pas de patte blanche sous les ongles? Bon, non, je suis en train de chercher qui c'est. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais dire, je suis en train de chier. Non, chercher qui chier. Bah, de toute façon, tu vas pas chercher longtemps, j'arrive avec ma petite camionnette là. Ouais. Il y a un pied sur la portière, tu verras. Et j'arrive avec mon collègue, donc il va te sentir les panards. Ça a écrit dessus, Romano, podologue, c'est le pied. Point d'exclamation. Bon, bah, allez, on passe dans la matinée, nickel. Ah bah, tout à l'heure. Ouais. C'est gratuit, hein, t'inquiète pas. Oui, d'accord. Ah, tout à l'heure, merci. Hein. Salut à toi. Salut, mais Gilou. Salut Gilou. Ouais, je me souvenais plus, mais j'ai mais c'est Gilou qu'on a ouais, eu au c'est téléphone. Gilou, c'est Gilou. Et ben voilà, t'as fait une bonne action gratuite, c'est gentil Romano. Ah bah c'est bien, et puis toi tu vas sortir à bon pied. Ouais putain. Non mais c'est vrai, comme métier, ça doit pas être simple d'être c'est podologue. Clair. Ah non, mais tu dois avoir des trucs. Ouais. Mais en plus, en général, tu vas chez le podologue, c'est que t'as une galère, quoi. Ouais, t'as un problème de pied. Ouais. Eh ouais. Tiens, on va mater les messages pour Cédric dans un instant. On fait l'horoscope de l'amour aussi. Et un nouveau réveil de star qui arrive après la femme de Jonathan tout à l'heure, qui était magnifique. Hein. Avec Cyril Lignac. Oui, eh bien, on retrouve Cyril Lignac qui réveille une autre famille de France. Qu'est-ce qu'il va leur faire à bouffer, Cyril? Allez, on va voir ça. Réveil de star, ça arrive, l'horoscope dans moins d'une minute sur Skyrock et du son, le son Drake. De Drake. Emeric à la journée mondiale des donneurs de sang, 14 juin 2016. Salut, c'est Emeric sur Skyrock. Aujourd'hui, on parle du don de sang avec Richard. Alors Richard, toi t'as 18 ans et tu viens de donner ton sang. Comment ça s'est passé? Bah plutôt tranquille, c'est la première fois que je donne mon sang et franchement ça s'est super bien passé. Ça m'a pris allez 40 minutes et les gens étaient super sympas. C'est quoi qui t'a motivé à donner ton sang? Bah je sais que ça sauve des vies tous les jours et qu'il n'y a pas de médicaments pour remplacer le sang, donc je sais pas, ça me semble normal. C'est un geste super simple mais aussi super utile, alors j'ai pas hésité. C'est clair. Merci Richard. Toi aussi, sauve des vies en donnant ton sang. Toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Le 9 et 10 juin, Leader Price frappe fort sur les prix. La fraise Garriguette catégorie 1, origine France, est au prix incroyable de 1,19€ la barquette de 250 grammes. À ce prix-là, on ne s'en prive pas. Alors dégustez un fruit de saison au goût unique. Barquette fraise Garriguette 250 grammes à 1,19€, soit 4,76€ le kilo. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Et l'horoscope de l'amour, c'est parti. L'horoscope de l'amour sur Skyrock. Juste avant d'écouter Drake, l'horoscope de l'amour, les puissances amoureuses de tous les signes pour ce jeudi 9 juin, J-1 avant l'euro. Vierge, taureau, zéro. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, aujourd'hui. Pas grand chose. Aujourd'hui, il faut se méfier des gens. Méfiez-vous de certaines personnes qui ne vous veulent pas que du bien et qui ont peut-être envie de briser votre histoire d'amour ou alors de vous mettre des bâtons dans les roues. Vierge, taureau, attention, 0 sur 5. Au moins, vous êtes prévenu grâce à Sky. Ouais, vous êtes dans la paranoïa quand même. Dans la paranoïa. Gémeaux, balance, 1 sur 5. Vous êtes un petit peu stressé, mais attention de ne pas transformer ce stress en énervement, sinon vous risquez d'avoir des problèmes avec les gens que vous aimez. 2 sur 5, les scorpions et les poissons. Vous vous plaignez de ne pas avoir ce que vous voulez en amour. Ben vous mettez peut-être la barre un petit peu trop haut. Faut déjà se satisfaire de ce qu'on a et vous verrez, la journée sera meilleure comme ça. Ça vous facilitera un peu les choses. 3 sur 5, les sagittaires et les verseaux. Vous faites confiance aujourd'hui. Vous avez raison. Vous saurez aussi prendre les bonnes décisions. Une belle journée qui démarre. Un bon jeudi pour les sagittaires et les verseaux. 4, les magnifiques et très beaux capricornes, même s'ils ont une tendinite. Eh oui. Comme toi, Diff. Merci, Carrière. Et les lions, capricornes et lions, on a 4 sur 5. On aime se faire désirer et sachez que cette méthode va plutôt bien marcher pour vous aujourd'hui, que vous soyez couple ou célibataire. Bravo. Et 5 sur 5, merci. Les béliers, les cancers, en couple ou célibataire, votre vie sentimentale va s'emballer aujourd'hui. Oh là là, du bonheur au programme. Et un super 5 sur 5, béliers, cancers, bravo à vous. Tiens, on a peut-être la réponse pour ton pied, Cédric. La réponse pour ton pied, oui. Cédric a des problèmes de pied. Ouais, il a des gros problèmes de pied. Bah, la patte blanche sous les ongles, c'est pas normal. Ah, la preuve, la fricadelle du Nord. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la fricadelle? Là, c'est un mec, hein. Ah. A priori, spécialiste du pied. Ouais. La patte blanche de Cédric, a priori, ça pourrait être une mycose sous un ingéal. Quant au podologue, il s'occupe pas de l'état de propreté des pieds, mais des troubles posturaux qui impactent sur la structure osseuse du pied. Pas. Cédric, pour résumer, en gros, t'as une mycose. Voilà. Bah, c'est gentil. Il est content. Là, la bonne nouvelle. Oh, super, j'ai une nouvelle amie. Oh, cool. Elle est cool. Moi, je veux la garder. Eh bien, écoute, garde-la. Elle est à toi, c'est ta mycose à c'est toi. C'est gentil, merci. Bon, et sinon, ça peut être un problème d'hygiène, il faut se les laver de temps à autre, nous dit Clara, là, sur SMS. Merci, mais Clara. Temps à autre. Mais tous les combien de temps? Bah, tous les jours. Moi, je les lave tous les jours, t'inquiète. Voilà, ça fait beaucoup, ça. Et ça vient peut-être du fait que tu t'essuies pas. C'est Franck qui nous laisse le message du 59. Et tu t'essuies mal les pieds. Ouais, on me l'avait dit, ça. Et tu te rinces mal. Ouais, ça peut-être. Pourrait être des résidus de savon qui pourrissent. Oh. On a eu plusieurs fois le message. On m'a dit, ouais. Bon, j'en ai envie, tout ça, en tout cas. Eh bien, après la journée internationale du pied, moi, ça m'a ouvert l'appétit. On retrouve Cyril Lignac pour le réveil de star. C'est le morning de Difool. The morning show. The morning show. 6h-9h sur Skyrock. Après Drake. Baby, I like it so. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, le son de Drake, il est 8h54. Allez, on va parler bouffe. Désolé si vous faites le ramadan, hein. Désolé Karim. Ouais, bah y'a pas de mal, hein. J'en profite. Ça me fait fantasmer. Je le torture pendant son ramadan. Ouais. Ah, je bois un petit coca, tiens. Ah, ouais, c'est vrai, ouais, t'as même pas le droit de boire. Ah, bah non, non, non, on a besoin de rien. Ah, putain, moi j'ai bien bu ce matin. Ah, moi aussi. Des cafés, du. Non, mais ça va, là, il est tôt, j'ai pas faim encore, ça bon, va. Bon, vous pouvez penser à ce que vous allez bouffer ce soir si vous faites le ramadan. Sinon, pour tous les autres, qu'est-ce que vous allez bouffer à midi? Tiens, dites-nous, bah, ça va me mettre en appétit. Je commence à avoir un petit creux. En fin de morning, en général, je commence à voir ça. Moi aussi, ouais. Ah, ouais, bah pareil. Super. Moi, Cariole, elle m'a annoncé le menu de ce midi, la tristesse, deux œufs à la coque. Ça, avec du pain rassis pour faire la liesse. C'est pas mal. Non, mais c'est léger. Moi, j'ai faim, mon petit corps, il a besoin de se remplir. Elle pourrait rien faire du tout. Hein. Ah, bah c'est ce qu'elle fait depuis plusieurs jours. Ah, c'est vrai. En ce moment, je bouffe des rondelles de saucisson donc, avec du pain rassis. Et hier, j'ai mis le plus de pain. Donc, Oh, le pauvre. Alors, qu'est-ce que vous allez bouffer à midi? Ah, bah c'est parce qu'on va parler bouffe avec Cyril Lignac. Cyril Lignac qui réveille les familles de France. C'est notre star du jour pour le réveil de star. C'est vrai qu'il fait bien bouffer, lui. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai mangé un beefsteak à midi. Alors, le problème, c'est que l'autre jour, j'ai fait un beefsteak. J'avais oublié que j'avais qu'un bras parce que je n'ai plus qu'un bras. Hein. Mmh. Non, t'as encore les deux, dit Foul. Bah non, l'autre, il sert à rien. Bah, on les est là toujours. Ça fait une semaine qu'il est immobilisé. Donc, et je me suis dit, le beefsteak, c'est bien? Le beefsteak à cuit, je me suis dit, ça va être bien. Ah, pour le couper, ouais. Et après, je me suis dit, mais comment je le coupe? Ah, ouais, c'est vrai. Et alors là, je t'explique pas, là, le machin avec une main, je tenais là. Il fallait manger comme une bête, et tu le prenais avec ta main et tu le mets dans ta bouche. Et ben, j'ai fini comme ça. Oh, c'est ça, genre en mode Koh-Lanta, quoi. Ouais, c'est ça. Comme les aventuriers. J'étais un peu un aventurier ce jour-là. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, moi, c'est petit beefsteak à midi avec des petits légumes. Ouais, bah, je crois que j'ai bien bouffé chez toi. Ah. J'en ai qu'un beefsteak, Romano. Bah, on coupera en deux, c'est toujours mieux qu'un œuf à la coque. Hein. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Vous allez bouffer un truc qui vous fait kiffer, lasagne maison, c'est une tuerie pour c'est Dada. Bon, ça, ouais. Ah, une bonne cuisinière, Dada, on te fait un gros bisou. Moi, bon, une poêlée de champignons. Non, c'est un petit conseil pour Cédric. Va manger une poêlée de champignons, Cédric. Ouais, non, ça va aller. T'en as sur les pieds, il suffit de racler. Ouais. La viande, c'est mauvais pour la santé, dit Foul. Mais non, oui, Michel, ouais, non. Ouais, ouais, c'est mauvais. Ouais. Moi, je bouffe une dinde tous les jours, c'est ma femme. Oh, hey. Oh non. Des nouilles chinoises, hop là, je l'ai fait cuire en 3 minutes et c'est prêt, c'est pour Ben, 26 ans. Tiens, il y a Sarah Chouel, ce repas de midi, c'est pâte au surimi, sauce ketchup, mayo. Sandwich au taf pour Simon du 43. D'ailleurs, on salue le 43, on a offert 1 500 € à Monistrol tout à l'heure, dans le 4-3. Qu'est-ce que vous nous dites? Tiens, il y a Bidou, elle est gentille, elle veut venir te couper ta viande à la maison. Oh, comme un enfant. Vous êtes super, les filles. Steve d'Angoulême, lui, c'est sandwich dans le camion, lui. Et puis McDo aussi, tiens. Allez, moi, un petit tour au McDo avec tous les potes à la sortie du BAU. Tiens, il y a Yaya, il mange du boudin aux oignons et salade. Des épinards. Non, moi, je bouffe à la cantine. C'est dégueulasse. La cantine de l'usine est ignoble. Ils nous font des trucs. Ah! Avec plein de sauces. Ah, mais la sauce, c'est des cache-misères. Ouais, tu sais pas ce qu'il y a derrière. En général, c'est que c'est dégueu. Ils mettent de la sauce, ils te noient ça dans la sauce histoire de masquer le goût dégueu. Et il termine son message par écœurant. Et tiens, Nico, j'ai vu ton petit message. Tu veux m'inviter à manger à Paris 11e. Tu as oublié de laisser ton numéro. Laisse ton numéro. T'inquiète, je viendrai seul. Cariole, elle bouffera ses œufs à la coque toute seule. Kebab pour moi ce midi pour le pied de la table basse. Nouvel auditeur de Skyrock qui nous rejoint tous les matins. Bonjour à toi, le pied de la table basse nous écoute en direct. On salue également la PS3 du salon. La PS4, la PS4 du salon. Ah, j'avais la 3 aussi ce matin. Il y a aussi le canapé de Mehmet qui nous écoute régulièrement. Eh bien, on vous salue tous. Bon, vous laissez vos messages, mais nous, on s'occupe maintenant du coup de fil de Cyril. Cyril Lignac, lui-même, en personne, qui appelle les familles. Le réveil de star. Une star. Une star. Un appel. On écoute. Bonjour Cyril. Bonjour. Bonjour, je suis Cyril Lignac. Je vous ai préparé un petit gratté dauphinois. Ah non, plus ton gratin. Et je vous ai préparé un petit coup de téléphone aussi. Ah bah ça c'est bien, on va l'écouter. On se régale. Ça affole les papilles. Oh regardez, c'est craquant croquant. Alors, on appelle qui Cyril? Lionel. Ah Lionel, allez, on y va alors. On appelle Lionel. C'est parti. Le réveil de star Cyril Lignac. C'était super tout à l'heure avec la femme de Jonathan, elle était à bout de nerfs. On va voir Lionel. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? En effet, on n'est pas copains, ça c'est sûr. Non mais vous êtes vraiment dérangé, hein? Sur le papier, la mariée elle est toujours belle. Mais après, attention. Et pourquoi vous m'appelez? Alors, je vais vous demander de revisiter le célèbre gâteau au chocolat. Et voilà. Non mais ça va vraiment pas là. J'ai l'impression que je deviens fou, moi. Je vais mourir de rire. Non mais attendez, je crois que vous êtes à jeun là. Pour ça, ça va bien. Oui, vous m'appelez pour me dire des conneries pareilles. Concrètement, mon projet aujourd'hui, c'est de mettre toute une ville à la cuisine. Ah bon? Oui. On va apprendre à cuisiner tes légumes. On va faire ça à moins d'une heure. Ça vous plaît? Non, pas du tout. Ah, j'ai pas entendu. Ça vous plaît? Et vous permettez. Eh, d'abord, on n'a pas gardé les cochons ensemble, d'abord, premièrement. La question ne se pose pas comment tu le prends ou comment tu le prends pas. La question se pose que je dis tu viens, point, c'est tout. Non, d'abord, premièrement, tu ne vois pas, premièrement. D'accord? Non. Hein? Et deuxièmement, non. Ça veut dire en fait qu'on va pas y arriver. Ça veut dire qu'on va pas le faire. Ça veut dire que je peux pas compter sur toi. Non, pas du tout. On est bien d'accord, non mais parce qu'au bout d'un moment aussi, moi je pète les plombs. Moi aussi j'ai pété les plombs, d'accord? Parce que moi je me mets plein cul pour vous. Mais cher monsieur, j'ai d'autres choses à faire, c'est tout. La seule chose que je veux, c'est du chocolat à l'intérieur. Non mais ça, bon écoutez, hein, d'accord? T'as beurré le moule là? Ouais, ben vous savez où pouvez-vous foutre le beurre? Ah. Non. Ouais, ben ça, je crois que ça aiderait à rentrer, hein. Ah ça pue ça. Et je trouve que c'est vachement bien d'appeler avec un numéro masqué. Tu m'excites toi en fait. Oui, vous verrez ce qui vous arrivera. Allez, salut. Moi aussi, parce que, écoute Cyril, on a bien fait d'appeler avec un numéro masqué, ça fait plaisir au monsieur, mais je crois qu'il veut te beurrer le moule. Mais quel moule? Le moule derrière, je crois. Le moule derrière. Mmh. Bah tiens, c'est très bien, on parlait de gâteau au chocolat en plus. Voilà, il va se faire beurrer le football. Eh bien, merci Cyril Lignac, merci à Lionel qui a participé à ce réveil de star. Il a été réveillé sans Cyril Lignac, il s'en est pas rendu compte il a été réveillé avec Cyril Lignac, ça n'est pas rendu compte non. Un seul instant. Hein. Ah, on n'a pas allumé les cochons ensemble. Hein. Et on va faire un gâteau au finnois. Et après le gâteau au chocolat, on va faire un petit gâteau au finnois. Bon. Bon, bah Cyril, c'est pas que. Bonjour Romano. Bonjour Cyril. Oui. Bah là, il va falloir y aller par contre. Je parle bien, j'articule bien. Bah, on va passer à la suite, nous. Vous comprenez ce que je vous dis? Nous, on a le sable du morning. Vous comprenez ce que je vous dis? Oh, ouais, si, on comprend plus rien là. Vous comprenez? Ouais, on va faire ton gratin. Et on va faire un petit gratin. Cédric veut un gros gratin. Le gros monsieur là, il veut un gros gratin. J'ai faim, ouais. Oui, il a déjà trop mangé, lui. Hein. Oui, il a mangé trop de gratin. Il veut faire un gratin light. Oh là là, lui, il doit faire des gros gâteaux au chocolat, lui. Hein. Ah oui, ça, je te confirme. Ouais. Oh, il fait de la mousse. Oh bah ouais, je m'en vais tout de suite. Allez, là. Salut Cyril. Oui, je vais appeler Philippe Estebetch, il va nettoyer tout ça là. Il va venir mettre un coup de boule à Cédric. Il est dégueulasse votre restaurant. Ah, c'est le gros monsieur là. Ça s'appelle le Bouboui, ce resto. Ah, ouais. Je vais pas y aller. Allez, 9h01. Allez, go. Et oui, le zap du morning, comme tu le disais si bien, Romano, il arrive. Oui. Salut, c'est Magali de Voté Blog. Sephora.

l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les enfants bien pire que moi. Le diable s'habille plus en paga. Direct de la part, c'est le morning de Difool sur Skyrock. The morning show 6h-9h tous les matins. Il était chaud le morning ce matin, il s'est passé plein de trucs. 9h07, on a offert des télés, la télé Samsung a gagné tous les matins. 101 cm Ultra HD, et Smart TV. Smart TV, je crois qu'on en remet deux en jeu demain matin, soyez là. Ah bah soyez là, ouais, oui. On jouera à 7h20 à Info ou Mytho, entre autres. Bon, on a offert 1 500 €, on a offert les places de foot aussi. Flavie a gagné, super, et on se prépare pour demain matin une nouvelle matinée de folie qui nous attend. Avec les pronostics en exclusivité. Ah, ça c'est vraiment l'exclu de demain matin. Des exclus, il y en a plein. On vous avait fait découvrir le nouveau Gims, le nouveau Jul, le nouveau Soprano aussi qu'on a écouté ce matin. Attends, excuse-moi, Cédric, ça va tranquille de toucher Carriole non-stop? Et oui, ça c'est pas une exclu, ça. Ça va. Et donc en exclu. Eh bien, demain matin, notre chien Carriole et moi, Mehmet. Oui, on l'a embauché. On l'a embauché, ce sera notre pronostiqueur officiel. Demain, il arrive habillé en bleu et il pronostiquera le match de demain soir, France-Roumanie en direct. Demain, les pronostics. Donc, vous connaîtrez, on connaîtra le résultat de France-Roumanie en direct sur Skyrock demain matin entre 6h et 9h. Si vous voulez faire des paris en sport et côté match et compagnie, Mehmet vous donnera les bons résultats. Par contre, s'il a faux, on ne rembourse pas. Hein. Je fais bien direct, on ne sait jamais qui est. Que demain, il n'est pas le nez. Bon. Oui, c'est vrai. Ouais. Tiens, Ahmed qui nous dit, j'espère que c'est pas un tocard ton chien. Non, mais attends, tu parles de qui? Non, tu verras. Ahmed, tu seras demain satisfait ou remboursé par Roman. Non, j'ai dit direct, on rembourse pas. Et on signe le contrat en croquette, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ah, bah oui, c'est ce qu'il nous a demandé le chien. Ah, ouais. Donc demain, notre pronostiqueur, et il sera là pendant tout l'Euro, le pronostiqueur officiel, vient passer le morning avec nous. Prévenez vos animaux, hein, d'ailleurs, demain, hein, ils peuvent venir eux aussi. Hein. Ah, sans problème. Tout le monde peut venir dans le morning. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Bah écoutez bien, c'est l'heure du zap du morning, séance de rattrapage pour ceux qui sont pas levés depuis 6 heures. Allez. Le zap du morning. Oui, bonjour, le café des sports. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je travaille pour la mairie de Marseille, vous savez, à propos des télévisions là. On a une proposition à vous faire. Vous pouvez mettre la télé, par contre. Oh, c'est... putain, mais qu'est-ce que tu vois, ça t'a reculé. Ah, la mairie a mauvaise image. La mairie a mauvaise image, on va te faire enculer. Oui, hier matin, on était bloqués avec Romano, justement. Par des poubelles. Ouais, dans Paris, ils ont fait des barrages. Avec des poubelles. Des barrages de poubelles. Ouais. C'était rue de Vaugirard, là, dans le 15e arrondissement. C'est une grande avenue. Mmh. Et en fait. Barrage de poubelles. Ah, mais ouais, en fait, on avance. Je fais putain, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un camion en travers. Et en fait, il y avait des poubelles alignées. Ça bloquait complètement l'avenue. Et les gens pouvaient plus passer. T'aurais dû fouiller dedans, peut-être qu'il y avait des trucs à récupérer, Romano. Ouais, c'est ça. Et puis, je me prenais un coup de pelle par un éboueur manifestant. Peut-être. Eh ouais, 200 places pour l'Euro. C'est pour toi, Flavie. Il y en a deux pour toi. J'espère. On croise les doigts. Comme je le disais, on lance surtout la roulette. Toi, tu l'arrêtes quand tu veux. Elle tourne. Stop. Et elle va s'arrêter. Est-ce que tu vas aller voir le match de ce morning? Mais oui, Irlande du Nord-Allemagne, c'est gagné. Bravo. Génial. Bien génial, joué. Merci beaucoup. On a passé un petit coup de fil à une famille qui va se réveiller avec Cyril Lignac. Alors on y va. Allez, c'est parti. C'est le réveil de star, j'espère qu'il va être bien accueilli, Cyril. Veuillez décliner votre identité. Cyril Lignac. Bon, c'est quoi ton problème? Tu m'excites, toi, en fait. Oh, non, mais c'est quoi ton problème, là? J'ai toujours fait ce qui me faisait plaisir. Ok, d'accord. Amuse-toi bien et gros bisous. Eh ben sur le site internet de Castorama, il y a eu un bug. Alors ils savent pas d'où ça vient pour le moment. Par exemple, quand tu tapais peinture, ça te faisait une suggestion, c'est genre peinture-moi la chatte. Oh. Ah. Donc il y a un mec qui a hacké le site de Castorama. Oui, alors il y avait aussi perceuse pour mettre dans le cul. Très bien, on a compris. Qui dit vrai, qui dit faux, Erika? T'as les deux infos. Ouais, non, c'est sur le casto qui est vrai, je crois, j'ai entendu. Eh ben oui, c'est gagné. Ouais, la télé Samsung, elle est pour toi. Bravo. Oh, c'est bien. Oh, je suis trop contente, je vous adore, merci beaucoup. Nous, c'est la radio, on est en direct à la radio dans toute la France. Et on t'appelle ce matin pour t'offrir des sous. Oui. On t'a tiré au sort dans l'annuaire, il y a 1 500 € à gagner. Et pour gagner, il faut que tu me dises quelle est ta radio préférée, ma chérie. Et avoir la bonne. Je sais Skyrock. Mais oui, tu sais. Bah, ah bah alors, tu sais très bien. Dis pas, je sais pas, tu sais, c'est Skyrock, mais oui, c'est gagné. Ah, bravo. Bravo. Ouais. Bravo. Bah merci. J'en reviens pas. Elle était mignonne. C'est Stéphanie qui a gagné les 1500 euros à Monistrol sur Loire dans le 43, juste à côté de Saint-Étienne. Bravo Stéphanie. Ils vont partir en vacances avec Cédric. Eh ben, ils ont bien raison. Son chéri, grâce aux 1500 euros de Skyrock, vous aussi, hein. On vous appelle, vous répondez Skyrock. C'est 1500 euros dans la poche direct. Oui. Jusqu'à midi, c'est Fredo qui arrive. On y va, c'est parti. Let's go. Oui. C'est parti, coup d'envoi, comment ça va? Ça va. T'en es chaud, Fredo, ce matin? Ouais. Bah, tout le monde est toujours chaud. J-1. Et ouais. Allez, les bleus. Et des places pour l'euro chez toi ce matin, Fred. Hein. Et par contre, la déco, ça avance pas très vite hein, dans le studio, alors, franchement. Ce soir, livraison de la déco, Fred. Ah bon, parce que je suis un peu déçu pour l'instant. Hein. Ah non, mais t'inquiète. Romano, tu m'avais vendu du rêve sur la déco. Ah, mais là, ça arrive. Là, il y a juste deux fanions, quoi. Il y a deux trucs, quoi. T'inquiète, ce soir, en direct dans la Radio Libre, fin de la décoration de notre studio. Ouais, on sent la grosse artillerie, là. Ouais, et on sera prêt pour demain soir et poursuivre le match en direct. On sera là en direct entre 21h et minuit. C'est sur Skyrock que ça se passe ce soir aussi. D'ailleurs, il y aura même le problème du mois ce soir. Ouais, comme tous les jeudis, ouais. Un des moments préférés de Fred, je sais. J'adore ces problèmes du mois. Et un de vos moments préférés, sans doute à vous aussi. Ouais, absolument. Moi aussi, Fred, j'adore le problème du mois. Eh ben, ça sera ce soir. Et d'ailleurs, en problème du mois, on en est où sur l'épaule? Je suis à l'hôpital ce matin. Ah bah. T'as bien fait de relancer, tiens. J'en avais pas parlé ce matin parce que je veux pas vous embêter avec mes petits problèmes et ma grave maladie de l'épaule puisque j'ai une tendinite. Pauvre diffus. Une tendinite très aiguë. Et donc ce matin, je file à l'hôpital et je vous tiendrai au courant. J'espère que je serai là avec vous ce soir. Mais c'est quoi, il découpe? Il y a un truc de prévu ou pas? Je sais pas. Romano m'a dit qu'il avait prévu un gars avec une tronçonneuse qui débarquait. Ouais, mais c'est. Nabila avec ses couteaux. Je sais pas pourquoi faire. Donc t'es sûr que c'est à l'hôpital? Je sais pas. Écoute, on a organisé ça pour moi. Je vous tiendrai au courant ce soir à 21h. Ah ben là, on l'emmène, là, évacuation sanitaire. Là. On nous demande si tu vas te faire interner. Regarde Blue qui envoie un message. Non, c'est pas la première fois qu'on me le propose. Ça. Mais rien à voir avec l'épaule. D'accord. C'est un petit peu plus haut le problème. Ok. Bon, ce soir, 21h, on est de retour. Passez une belle journée avec Skyrock et le son de Sky, les exclus, les nouveautés, tout ça. Avec toi, Fredo, c'est parti. Coup d'envoi. Et demain matin, le morning. Ouais. Et je vous le confirme, il y aura deux télé Samsung à gagner demain matin. Ouais. Magnifique. J'ai vérifié. Soyez la décideur. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. À toutes, c'est parti pour le son de Skyrock. Bonne matinée à 24h de l'euro. Il y aura des places évidemment à choper aujourd'hui. N'hésitez pas, il y a des quarts aussi, des huitièmes de finale dans la roulette. Ça tournera tout à l'heure, ce sera avant midi. Et le son sur Skyrock, c'est reparti. À part NBA non-stop avec Designer et Panda sur Skyrock. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family, credit cards in the scammers, hitting no licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacies, family, wait and see, family, pockets full, Danny, selling ball, candy, been on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, then the bullet you ban it, hope you killers understand it, I got broads in Atlanta, twisted or lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the loose in the van, legacy, family, way see, look like a family, going out like a Montana, honey killers on the hands, legacy, family, way see, family, package full, Danny, selling ball, candy, may not the macho like Randy, the chopper go out to for granted, then the bullet you ban it, hope you killers understand it. Hey! Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted Dolina Street, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over to Lattice Street. They be acting rent, I know we clapping you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty just off of Bugatti, but look how I tried to shoot. Black and six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got slime gorilla. They come and kill you with bananas. For feelers, I feel it. Pull up in the finer. No niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the pounder. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bitches, pull up in the get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the inner, baby. CTDD, pull up in the killer, baby. Call a feeling, pull up, gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spin it. And Bobby, you trin it. Chop the dawn, doing business in the rave, doing the fool, I'm doing the minute. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas completed.

Lesnar à l'instant sur Skyrock. Rap, R&B en non-stop, ça continue. Justin Timberlake avec Cry Me a River tout de suite. Et puis juste derrière, il y aura MHD. Ce sera Afrotrap à écouter, Afrotrap partie 5 à écouter. Extrait de l'album de MHD qui est dans les bacs. Yeah, supposed to have a remix. That's how you make one hit record in the two. 57. I remember when you used to love me, you used to kiss and hug me. I look into your eyes and get lost for a day. You love me's what you told me, all that time I let you hold me. How I ain't feel you slipping away. You were my sun. Woo! You were my earth. But you didn't know all the ways I loved you. No, no. So you took a chance of a plan. Yeah. But I bet you didn't think that they would come crashing down. No. Come on. You don't have to say what's with it. I already know. I'll count up my hand. There's just no chance for you and me. There'll never be. And don't it make you sad about it. You told me you love me. Woo! Why did you leave me all alone? But it wasn't like you only talk to him and you know it. Don't act like you don't know it. All of these things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it. Don't have to say what you did. I already know. I already know. Found out from him. Now there's just no chance. No chance. And don't it make you sad about it? Uh-huh. Told me you love me. Why did you leave me all alone? All alone. Now you tell me you need me. Can you call me on the phone? Can you call me on the phone? Yeah. Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy. Not like them, baby. Your bridges go burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So tell me you're in. Go on and just baby, go on and just 56. If you know what I know, you know. You ain't gotta say a word. It's done in the dark, comes the light. I'm finna kick you to the curb. You smile all up in my face. Girl, you got a lot of nerve. Situation so absurd. You ain't special, you's a bird. Get your shit and hit the dough. You ain't welcome in no more. Ain't no sense in you crying. Girl, you know I know you lying. You must take me for a fool. Thinking I'ma stay with you. First, give me back my jewels. Bitch, I ain't playing with you. Don't have to say what you did. I already know. I'm from there's just no chance. No chance. You and me. Don't it make you sad? Go on, cry. Oh, cry me a Whitney. River. Oh, cry me a river. Go on and cry. Cry me a river. Mess up your mascara and all that, girl. All the expensive makeup. Cry me a river. 50 Cent. Justin Timberlake remix. You heard me? Skyrock, premier sur le rap. Bah, bah, bah, bah, bah, bah.